Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Et bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 4, saison 2 de PowerCast. Salut Jules, ça va? Salut Clément, aujourd'hui... Il répond pas à ma question, j'ai dit ça bah, va? Bah oui, ça va. Ah oui, bon, merci. Ouais. Ah. Alors, ça on est avec qui aujourd'hui? Sur le chapeau de roue. On est avec... Avec... On est avec qui? Jean-Luc Lahaye. Bon. Et... Cyprien de YouTube. Oh, oh, on a deux stars. Eh, on les applaudit quand même. Hein. Deux stars et de là... génération. Ouais. Hein, un peu le choc des générations. Star 80, c'était comment? C'était il y a longtemps. Les jeunes filles, les jeunes filles, ça va? Vous avez pas eu trop de procès avec ça? Non, c'est Norman, ça. Aucune de vos questions. Je parlais pas Cyprien. Bon, vous êtes grillé, Jean-Luc. Monsieur Internet. Eh oui. Monsieur Dream. Hein? Alors? Et non, c'était une blague. En fait, on est avec Manu Anton. Ouais, je fais Booba Fric. Ouais. Et on est aussi avec Benjamin Bataille. J'attendais que tu me présentes, c'était mieux. Ah, pardon. Oui, pardon, j'ai pas appelé, excusez-moi. Bébé. Alors, avec Benjamin et Manu qui sont de la chaîne Crème Fraîche. Exact. Chaîne YouTube qui est un peu en stand-by depuis un certain temps. Ouais. Mais, a priori, il y a peut-être une news en ce moment. Donc, vous allez pas en parler tout de suite, mais vous allez potentiellement revenir. Ouais, oui, bon, c'est cramé là, c'est cramé. Non, mais en gros, on a commencé à publier avant-hier. Et on a quelques projets en réserve et on va vous en parler bientôt. Ah, à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, on teasera un petit peu plus. Yes. Et votre chaîne YouTube, plutôt comique, court-métrage, comique, sketch. Ouais. Court-métrage humoristique, sketch. Mais de toute façon, enfin, les gens le savent, j'étais déjà venu dans cette c'est émission. C'est vrai, tu avais déjà... Je tiens à rappeler que je suis le parrain de cette émission. C'est vrai, avec Arthur, les deux parrains. Et c'est pas peu de choses, hein. Alors, c'est un beau bébé. Il y a un gros bébé. Oui. Donc 8-3 kg 2, voilà. Il a une belle croissance. Une belle ossature. Ossature lourde. On va commencer par vous présenter les gars un petit peu mieux. Et pour ça, du coup, j'ai cherché. J'ai trouvé un site en fait qui parlait de l'astro cooking. Est-ce que vous savez ce que c'est l'astro cooking? Il y a c'est cooking pas, dedans. C'est y a pas gratter des tickets astro avec des cookies. Non, c'est pas cuisiner dans l'espace, peut-être. Non plus. Non. C'est le frère d'Astro Boy, peut-être. Non. Qui serait cuisinier? Oui, ouais, non. Peut-être. Non. Non, en fait, alors c'est que manger selon votre signe du zodiaque. Ah. Alors. Et ouais, il y a un site qui répertorie ça. Oui, très débile. Moi, j'ai regardé, mais je crois qu'il y avait écrit que des trucs de gros. Tout. C'est marqué tout. Et alors donc, Manu et Jules, en fait, vous êtes du même signe. Allez. Donc, vous êtes du signe du Scorpion. Et votre péché mignon bouffe. À vous deux, c'est les plats flambés, de manière générale. C'est-à-dire la tarte flambée. Voilà, tout ce qu'il y a. Flambée, non, il y a aussi flambées, les bananes flambées. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Donc, j'ai une petite anecdote sur les bananes c'est flambées. Sûrement faux. Il a une anecdote. Allez, comme l'astrologie, c'est faux d'ailleurs. C'est une anecdote de type mon père raconte ça souvent. Oh bah. Toi, t'es un peu mal à l'aise quand il le dit. Quand j'étais au scout, le chef. Non mais en gros, c'est ça. C'est la toute première cuite de ma vie, ouais. D'après mes parents. Je l'aurais fait chez un oncle quand j'étais tout petit, genre 5-6 ans. Ouais. Il avait fait des bananes flambées au rhum, peut-être pas assez flambées. Apparemment, j'ai beaucoup aimé le jus. Je me suis écroulé sur le matelas qui me servait de lit dans le salon. Dans le piano. J'ai dormi pendant 6 heures et je me suis réveillé avec le matelas tout trempé de sueur tellement... À cause d'une banane flambée. À cause de la pisse, hein, je pense. Ah ouais. Il a dit de la sueur parce qu'il est sympa, c'est ton père. Incroyable. C'est de la bonne pisse. Et alors aussi pour que vous soyez en bonne santé, vous avez un ingrédient santé pour vous, c'est l'ortie pour ses propriétés toniques, stimulantes et digestives. Je vous conseille l'ortie. Moi, je suis déjà tombé dedans. Ouais, bah, alors moi aussi. La dernière fois, j'ai voulu faire du vélo en Bretagne sans les mains. Je suis tombé dans un fossé d'ortie. Peu de bienfaits. Et vous avez pas pris un croc en passant. Pour votre santé. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bah, c'est bon. Par contre, emmène-moi aux urgences, vraiment. C'est bon pour la digestion, apparemment. L'ingrédient invité. Alors voilà, si vous voulez. On nous dit soupe d'ortie absolument dégueu. Bon, bah, j'ai jamais goûté personnellement. Bon, voilà. Écoutez, c'est l'astro. Hein. L'astro cooking, on y croit. Hein. Oui. L'ingrédient à éviter, c'est le chou à cause de l'acide urique. C'est marqué. Quoi ? C'est juste marqué ça. Et est-ce que le mot urique te fait rire alors qu'on sait pas ce que ça veut dire ? C'est urique, hein, j'imagine. Ah, mais... tu penses ? Urique de Code Lyoko d'ailleurs. Urique von Liechtenstein. Et alors, j'ai un petit conseil à vous donner, vous deux, en termes d'alimentation, c'est apprendre la modération. Parce que vous avez tendance aux excès, hein, les gars, là. On ouais, voit écoute, moi, le petit McDo. On s'est un peu laissé aller dernièrement. Ouais, voilà, on a vu. J'adore le jeu. J'en parlerai à mon avocat. Merde, désolé, je couperai cette séquence si tu veux. Bah, Jean-Luc Lahaye d'ailleurs, on peut t'en parler. On a une recette pour vous séduire, et vous me direz si c'est vrai, c'est le crumble de saumon flambé au champagne. Donc c'est flambé. Hein. Ça se tente. Je ne mange pas de poisson. Ah. C'est ta religion ? Oui. Tu peux dire que les sociologiques sont... C'est quoi ta religion ? Ah. c'est pas l'impro. Hein. Non. Non, j'aime pas ça. Donc en fait, on peut pas te séduire avec ça. Non. Je peux comprendre. C'est complètement faux. Alors Benjamin, toi, ton signe c'est le taureau. Je me trompe pas. Et ton péché mignon, c'est la taurine. Ton signe. Enfin... c'est la Red Bull. Non, c'est les fraises. Ça. C'est les fraises, comme une femme enceinte. Bah alors. Je sais que j'ai du bide, mais tout de même. T'attendrais pas un heureux événement là. Gros sac. Dis donc. Et ton ingrédient santé, c'est l'avocat, car il lutte contre le mauvais cholestérol à consommer avec modération, car c'est un ingrédient assez calorique. Attention. J'ai un des ingrédients que j'aime le moins au monde, je crois que c'est l'avocat. Je t'échange l'avocat contre le saumon. Ouais. Allez, ça se tente. Ok, il y a une poignée de main en direct. Jean-Luc Lahaye qui perd son avocat, ça le met quand même bien. Ah merde, j'y avais pas pensé. On est en train de dire que depuis le début tout est faux là. Je pense que tu ne devrais pas te fier. Ouais, je pense aussi. Moi j'ai essayé de le suivre. C'est con d'ailleurs. Alors ton ingrédient à éviter c'est les betteraves, c'est trop sucré. Et ton conseil alimentation ça serait d'apprendre la modération d'ailleurs, toujours aussi. On voit bien la mode, juste de pas être des gros quoi. Et avoir toujours sur toi de l'huile essentielle de basilic qui aide à la digestion. Mais alors vraiment. En fait, l'astro cooking c'est des conseils en fait. Ouais. Oui. Je ferai attention, de toi, attention, faites bien attention. Et alors, ne mange pas trop. Dis-nous si pour te séduire, un tagine aux légumes et raisins secs, ça te plairait. Oh. Franchement, une belle gazelle. Elle t'a ramené un tagine. Un petit tagine. Non, je crois pas. Bon, clairement, on est vraiment sur une erreur. Sucré salé pour moi, raisins secs. Ok, donc vraiment, c'est tout faux depuis le début là. Alors, moi, mon signe, c'est le Verseau. Et mon péché mignon, c'est les saveurs exotiques. Je savais pas. Les noix de cajou. Il adore ça. J'aime bien les noix de cajou. Il adore. C'est exotique les noix de cajou. Je sais pas. Ça vient de cajou. Ça vient de cajou. Oui, peut-être. De banjo et cajou. De bon. Kanjou Girac. Quoi Oh putain. Waouh. On coupera aussi cette blague. Ouais. On va enchaîner. On enchaîne. Coupé, hein. Mon ingrédient santé, c'est les fruits secs. Donc les noix de cajou. Ah bah super. Clairement. Les cacao. Pour le magnésium. Mon ingrédient invité, c'est le son d'avoine. Je savais pas. J'en mangeais déjà pas. Non. Ouais, j'en mangeais pas. En fait, j'ai jamais mangé du son d'avoine. Qui mange ça ? Je ne sais pas. Les chevaux ? Oh, mec, t'as vraiment crié, t'as saturé. Je sais, j'adore ça. J'adore saturé. Qu'est-ce que j'y peux ? Les sels saturés. Et mon conseil d'alimentation, c'est d'éviter de sauter les repas. Très bon conseil. Ouais. Mais je pense que ça marche pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est comme l'astrologie. C'est comme les c'est pareil. À vous qui nous écoutez, ne sautez pas de repas. Et si vous voulez me séduire, selon ceci. Évitez de ne pas manger. Il faut me faire un bavarois à la mangue et au chocolat blanc. Faites-moi un bavarois. Écoutez, et que ça saute. Fais-moi le bavarois. Pourquoi pas, c'est quoi un bavarois? C'est un gâteau. C'est un gâteau. D'accord, très bien. Pas une pâtisserie. C'est un peu compliqué à faire. En plus, c'est un peu pénible. C'est bien. C'est technique. Alors, fais-nous la petite recette du bavarois. Ça vient du nom. Le bavarois selon Jean-Luc Lahaye. Moi, j'aime les manger, pas les faire. Oh là. Monsieur, je suis bon vivant, moi. Alors, j'ai quand même un petit horoscope pour l'année 2020. Donc on y est. Hein. Alors, attention, c'est très court. Vague. Accrochez-vous. Ça va aller vite. Surtout, hein. Benjamin, ton conseil en 2020, n'écoute que toi. Rien ne t'arrête. Voilà. Je vais le faire. Mange ton retour sur ton propre gaz. Voilà. J'espère que ça te motive pour 2020. Ah oui, voilà, je suis. Manu et Jules, vous avez le même, donc il faudrait freiner vos pulsions en 2020. Mmh. Ouais. Oh. De quelle pulsion on parle, hein, les deux. Du coup, vous voulez vraiment le numéro de mon baiser. C'est vraiment Jean-Luc Lahaye aussi, il faut qu'il freine ses pulsions apparemment. Hein, et moi, ça serait de... je vais risquer de subir les situations plutôt que de les décider. Ah bah nickel, t'as une année de merde. j'ai pas la meilleure année, hein. Là ça part mal. Tu pars. Tu vas te faire larguer, tu vas être envoyé travailler dans un endroit que t'aimes pas. Enfin, tu vas vraiment. J'espère pas, mais bon. Je te souhaite beaucoup de merde. Mais merci. Petite pensée à tous les Verseaux qui ont la même vie de merde que toi cette année. On va tous ensemble, on va se réunir, je vous propose. C'est la transition pour parler des interruptions et imitations. Est-ce que tu peux nous les présenter, Jules? Oh bah tout simplement, on connaît la chanson, hein, à tout moment, quelqu'un du chat, du public, il n'y a pas de public, un invité vers un autre peut soumettre une imitation, par exemple. Manu, est-ce que tu peux faire Orelsan? Non, merde. Si c'est mon père, 1. Si c'est ma mère, 1. De son dernier titre, voilà. Et il est simple. Un petit peu plus pas violent ouf. Que... Simple. L'échage parental, bien sûr. Toutes des salopes. Grec. Bien sûr. Voilà. Bah écoute, on va s'arrêter là, hein. C'est pas mal. Hein. Lâchez de salope. C'est en suite avec Jean-Marie Bigard. Ouais, ouais. Ah je vais... En fait, j'aurais dû prendre une salope. Et là, une salope. Oh. Attends, fais-nous 5 secondes de Bigard. Et là, la salope. Là, là. Il a crié dans le micro. Elle était immatriculée dans le Gers. Et là, la chauve-souris, c'est une salope. J'enlève mon doigt de son cul. C'est des insultes, en fait. Jean-Marie Bigard. Et ben, le micro complet de Manu sera coupé au montage. Alors, si seulement on pouvait, mais on peut pas, Clément. Pardon. Non, on peut pas faire ça. On n'a pas les moyens. On va passer à la rubrique suivante, Jules, qui est notre rubrique phare, qui est la rubrique « Qu'est-ce que tu répondrais, toi, si je te demandais de choisir entre deux propositions ?» Oh, mince. Qu'on avait inventé bien avant Combini. Oui, sûr, on bah avait ouais, déposé ouais, le brevet, on l'a retrouvé. D'ailleurs, t'as pas ton ukulélé ? Si, je l'ai amené, mais j'ai pas préparé de musique. D'accord, tu veux que je fasse du beatbox pendant que tu... Bah, tu veux tu fais, non ? Comme tu veux. Tu veux faire du beatbox ? Ok, bon. C'était pas ouf. Ouais, non, mais sinon, faire, on le fait sans musique. Ok, ok, j'ajouterai une musique au montage pour le... Tu peux non, mais ouais, j'ajouterai un beat au montage. Donc, ceux qui sont en live, désolé. Très voilà. Bien, faites du beatbox. Et... Voilà, okay. Faites chez vous, imaginez-le. Ok, t'es prêt? On commence par Manu. Ah, ok. Okay. Manu, Chris Pratt ou Chris Evans? Oh, Chris Pratt. Attends, fais une petite pause, c'était juste parce que dans le premier épisode, on t'avait demandé Chris Pine ou Chris Pratt. Tu t'en souviens, bravo. Mec. Là, mec. Non, oh, mec, on vous a dit, les gars, faites gaffe. Un meuble Ikea, mais il manque une vis. Ou une vis, mais il manque le meuble Ikea. Une vis, mais il manque le meuble. Très bien. Perceval ou Caradoc? Perceval. Star Wars 8 ou Star Wars 9? Star Wars 9. Elijah Wood ou des ninjas? Elijah Wood. Alors, je pense que tu voulais que je dise Elijah Wood. Ouais, c'était exprès. Ouais. Elijah ou les ninjas? J'ai toujours dit Elijah. En fait. Mimi Mati ou Mimi Siku? Mimi Mati. Très bien. Et Maître Yoda ou Maître Splinter? Maître Yoda. Très bien. Et alors, dernière question, Chris Pratt gros ou Chris Pratt pas gros? Chris Pratt. Gros. Okay. Rapport au fait que tu es. Gros. Blanc. Ah. Oh. Benjamin, Benji, Ben, B. McDonald's ou MacGyver? Crème fraîche ou crème fouettée? Parle dans ton micro, pardon. Crème fouettée. Pareil, Star Wars 8 ou Star Wars 9? Star Wars 9. Jour ou nuit? Jour. Maître Yoda ou Maître Splinter aussi? Je sais pas pourquoi. Maître Splinter. Année 2000 ou année 2010? Au pluriel, hein. Les années 2000 ou les années 2010? Année 2000. Bien. Conan le barbare ou détective Conan? Détective Conan. Ah, je suis bien d'accord. Et nous on avait droite ou gauche, mais on va pas te le demander. Hein. C'était dans le chat. Électorat de droite. Électorat de droite. Extrême droite. Voilà, désormais on vous connaît un peu mieux avec tout ça, avec l'horoscope et avec ces questions. Les auditeurs se sont fait une petite idée. Je crois que. Vous êtes. Enfin, oui, je sais pas si ça s'est vu que je suis sponsor Chris Pratt. Ça fait deux fois que je vote pour lui quand même. Ouais, ouais, tu l'adores. Viens ensuite la partie des recos. Oui, on passe aux recos. Recommandations. Alors, qui ne sont pas YouTube, chaîne YouTube. D'habitude, en fait, depuis le début de l'émission, on s'était concentré que sur les chaînes YouTube pour pas copier tous les podcasts qui font des recommandations globales. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'on en est à notre 12e numéro et ouais, qu'on sèche un peu avec Jules. Faute de découverte. Moi, j'ai full YouTube. Hein. Moi, personnellement, je passe ma vie sur YouTube. Très bien, vous avez des recommandations. On atteste mes 900 abonnements. Mais, Wow. Il va falloir que je fasse le tri. Alors, il paraît qu'avec la qualité de la cam, on dirait Bat de Bat Egael, Benjamin. Ouais. Ah, c'est si pas... tu regardes en haut. Eh ben, je le prends extrêmement mal. Qui attend un enfant? Tu sais faire une imitation de Bat? Hé, Gaël! Quoi? Dans mon cul! Je me disais qu'on aurait pu se mettre des doigts dans les fesses. Waouh! Tu fais vachement bien. Un risotto dans le cul. Ah oui, donc on passe désormais au reco de manière générale, comme tous les podcasts finalement. Donc qui copie qui, je ne sais pas. Copie comique, peut-être. Alors, c'est pas moi copie comique. Il a fait le lâcher de salope tout à l'heure. Benjamin, est-ce que c'est toi? Ouais. Non. Avant. Non, ok, donc c'est bon. On n'a pas copie comique avec nous. C'est, c'est un peu copié sur tous les autres comiques d'avoir dit que vous n'étiez pas comique comique, mais bon. Bah, on va pas se lancer dans une boucle infernale. Oui, alors, c'est bon. Donc, on commence avec des recos de manière un peu plus générale. Mais alors, vous avez des recos plus YouTube, donc c'est idéal. Vous allez rattraper nos non-YouTube. Après, j'espère ne pas avoir cité des choses qu'on a déjà citées, tu veux c'est dire. C'est ça, voilà. Mais alors, on te laisse commencer, Benjamin. Et, je propose qu'on te coupe en criant dans tes oreilles si jamais ça t'est si déjà c'est fait. Extrêmement très chiant, fort. Mais beaucoup, dans ses oreilles, pas dans le micro. J'en ai quelques-unes. Je ne sais mais... pas combien il fallait en trouver des recours. Une seule, deux. J'en ai trois. Il y en a une ou deux que j'ai vraiment envie. On sera la bonne franquette. Parce que l'une est même mieux que les autres. On est là. On donne le dessert. On est là, on donne les petits rocos. On met les petits plats dans les grands. La deuxième, je l'ai aussi. Oui, mais forcément. Bah, on a dit rien en cœur. Il y a des choses que forcément on a en commun. Ce que vous connaissez dans la vie. Oui. Ça c'est rencontré une fois dans le trottoir. Ah ouais, c'est pour ça. Bon. Alors Benjamin, on te laisse parler de tes chaînes YouTube. Alors il y a un programme que j'ai découvert en 2019, mais qui a débuté fin 2018 si je m'abuse. Et ça s'appelle le Coroner. Je pense que vous devez peut-être connaître. Le hardcore. Le ouais. Coroner virus. Non, le Coroner. Le Coroner virus. Horrible. Aïe. On va vraiment être censuré. En plus, balèque, tu sais que YouTube maintenant m'a demandé si c'était pour les enfants ou pas. Ah, je bah, ça oui. Va, ils sauront pas ce que c'est. Oui, mais on a parlé de Jean-Luc Lahaine aussi. Topito fait des blagues sur le Corona. C'est bon, merde. Ça peut toucher les enfants. Jeu de mots. Bon, allez, vas-y. Le Coroner, donc, c'est une émission, normalement, c'est produit à la base par une école de cinéma à Paris, je crois, mais je ne sais plus. Je crois que j'en ai entendu parler, mais... Et en fait, c'est une petite émission qui va durer, je sais pas, entre 8 et 12 minutes. Et en fait, ça parle d'un film et d'une mort célèbre dans ce film. Ouais. Donc je pense que... Oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà, et en fait, c'est hyper intéressant parce que bah, la qualité est présente et c'est super bien produit. Ok. Le acteur qui présente le truc est dans une posture, il a une voix, c'est juste la présentation est parfaite. C'est qui déjà cet acteur? Il est connu, non? J'ai déjà vu ce gars. Alors ça c'est pareil, je sais pas je du sais, tout. Bon, on ira voir le coroner. Mais en tout cas, je conseille vivement parce que c'est hyper intéressant. Et ça avait été conseillé, je crois, par comment il s'appelle, François Thorel, le faiseur de films, je crois. C'est pour ça que j'ai déjà je vu. Je crois okay. Que c'est lui qui, comme ça que j'ai dû connaître. Tout à fait, ouais. Donc je pense que certaines personnes doivent connaître. Ouais. Et clairement, c'était vraiment une bonne découverte de 2019. Clairement, très bien. Clément, imitation de... Du faiseur de film. Oh putain, merde, je sais plus quelle voix il a. Bonsoir, ça s'appelle. Ouais, c'est tout. Bonsoir à Douceur Dune. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, c'est très, en fait. C'est très cool sa dernière. On va parler de Dune. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo du faiseur de film. Il parle de décors de films, il est dans le désert, il est viré. Avec PV Nova, très très cool. Je l'ai regardé plus tard. Mais évidemment qu'on conseille le faiseur de film, mais il a pas besoin de ça, je crois. C'est clair. Je pense que lui, on va le présenter. Clément, 5 secondes du générique. Ouais, je pourrais le faire au ukulélé, non. 5 secondes de l'appel. Chpong. Pas mal. Comment ça s'appelle l'appel? L'appel. C'est l'appel. C'est pas, c'est non, non, elle a un nom. C'est... Ah, non, mais... Choupette ou un truc comme oui, ça. Ah oui, non, non, mais peut-être Choupette, non comme ça, mais il a pas vraiment de... Ouais, non. C'est pas pour moi. Ok. On passe à Manu, tu reviendras oui, après. Sur... Voilà, on peut changer. Ok, bah j'en choisis une. La chaîne YouTube de Donald Renew. Donc, gros doubleur français, je sais pas si vous en avez déjà parlé dans cette. Non, dans on cette en a pas parlé, mais. Qui fait les voix de plein de personnages de jeux vidéo, de films, tout ça. Notamment. Spider-Man. Du jeu vidéo Spider-Man, oui. Mais aussi la voix des films. La voix des films de Spider-Man. C'est la voix française du Spider-Man, Amazing Spider-Man. Oui, c'est ça. C'est la voix de Titeuf, c'est la voix de Lucio dans Overwatch. C'est la voix dans l'animation. C'est une super chaîne où en fait il fait souvent des lives, et il les remet sur sa chaîne YouTube. Non, pas du tout. Très bien. Wow. Et Dracobit. Et et en gros, il fait beaucoup de lives où il invite d'autres doubleurs et il joue aux jeux dans lesquels les autres... Enfin, les autres doubleurs ont doublé des personnages et du coup ça fait des gros lives de 2 heures où tu le vois discuter avec des mecs comme le doubleur de la VF de God of War, tu vois, de ah oui, avec la tout voix ça, grave, de tous ces, de même du dernier Call of et tout. Enfin, vraiment des mecs qui font beaucoup de ciné, beaucoup de jeux vidéo et vraiment vraiment une bonne chaîne. C'est vraiment cool à voir. Et puis c'est un mec qui se prend pas trop la tête. Tu sens qu'il débute un peu là-dessus et c'est cool quoi. Et en fait, il y a plein de doubleurs français qui se mettent à lancer leur chaîne. J'ai vu, il y a Brigitte Lecordier, oui, elle est dans ta liste, je crois. Ah, elle est dans ta liste. Oui, mais c'est ah, pas pardon, grave. Bah, on la cite comme ça. Mais c'est lui qui l'aborde comme ça, ça. Et il y a aussi comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Fanny. La voix de Tracer là. La voix de Tracer. Pousseau. La voix de Tracer. La voix de Tracer. Olsen et de. Voilà. Oui, voilà. Et de. Qui est une voix française, hyper connue aussi. Je sais plus son prénom. C'est la voix d'Harley Quinn. C'est de. Oui, voilà aussi. Margot Robbie. Margot Robbie. Voilà, qui aussi lance sa chaîne, donc c'est cool en fait. Ouais, c'est vraiment cool. Dorothée. Est-ce que Donald Renew, il a invité la voix de Bruce Willis ou pas? C'est possible, j'ai pas tout vu, mais Il a fait beaucoup de vidéos, mais non, est-ce que la voix de Bruce Willis serait là ce soir? Jules, par exemple? Bah non, être sur YouTube! Voilà. Avec Spider-Man! Incroyable. C'est le pire Manu, toi. Non. Ah, moi ça va ça faire un truc genre. Bruce Willis. Salut à tous, c'est Bruce Willis. C'est un petit œuf, tu vois. Yippie-ka-yé. Parle-nous de ta seconde chaîne YouTube. Alors, j'ai plusieurs idées, mais j'ai une révélation en fait en réfléchissant au PowerCast. Tout simplement que je consomme énormément de chaînes YouTube d'histoire cette année. D'accord. En fait, il y en a plein qui ont popé durant l'année. Mm-hmm. On va avoir du Nota Bene qui va être le plus connu et tout le monde en général entend parler. Mais moi, je me suis rendu compte que je suivais un gars qui faisait des vidéos super bien tournées dans les Vosges qui s'appelle Thomas Laurent. Oh, quelqu'un qui fait de l'animation en motion design, en animation 2D, qui s'appelle Aurore Humanomest. Tout le monde le cite. Et après, tu vas avoir des trucs comme Hero.com, Histoire Appliquée. Et en fait, par exemple, c'est des gens avec qui travaille justement Nota Bene pour écrire des épisodes et tout. Et c'est des gens qui sont derrière les épisodes en partie. Qui ont des chaînes YouTube à eux. Enfin, surtout Hero.com qui est le genre de gars, il va se prendre un bouquin qui fait 1000 pages, il te décortique ça, et puis après il te parle pendant une heure sur, je sais pas, la période du Moyen-Orient de 1200 à 1500 ans. Bon, je sais que ça intéresse pas tout le monde. Mais... Non, mais c'est quand même. Mais c'est pour en ceux tout que cas, ça intéresse. C'est pour moi, 2019, c'est vraiment l'année des chaînes YouTube d'histoire. Il y en a de partout et c'est super intéressant pour ceux qui ça intéresse. Bah ouais. Non, c'est l'année de bébé Yoda quand même. C'est l'année de Yoda, de Mandalorian et tout ça. On en parlera tout à l'heure. Et est-ce que. Pardon. J'ai coupé ta pensée. Non, mais est-ce que je fais une... Enfin, je sais pas combien de recours tu peux faire une seconde maintenant. Vas-y, j'en fais une seconde et après on finit par celle qu'on a en commun. Et vous faites en cœur. On a quand même envie d'en parler. Ouais, celle qu'on a en commun. Donc moi j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Andymation. C'est un anglais ou un américain, je sais pas, un anglophone qui fait de l'animation, mais il fait des flipbooks. Vous savez, c'est des. Les découpages, les livres découpés. C'est ça, les livres découpés ou quand on feuillette, ça fait l'animation. Voilà, oui, ça fait le. Okay. Et il en fait des très grands. Et il y en a qui ont tourné sur les réseaux un peu. Oui. C'est trop bien à voir. Franchement, c'est trop cool à voir. Tu le vois dessiner ça. Il a l'air d'être assez cool. Pareil, il en reçoit de ses abonnés, tout ça, il les ouvre. Il incite beaucoup les jeunes à faire ça. Puis vu que c'est de l'activité manuelle un peu. C'est assez ludique. Et ça, c'est cool pour ceux qui aiment bien l'animation, de voir de l'animation papier. Je sais pas, c'est cool. Surtout que c'est rare. En fait, on en voit pas. Andymation ouais, c'est marqué sur. On dirait un truc de festival Andy Sport. Ouais, mais là, c'est Andy. Andy raconte. Comme dans Toy Story. Ce qui est marrant, c'est qu'on m'a fait découvrir cette chaîne. Bah en 2019 du coup donc, je m'en suis trouvé là aussi. Tout est lié en dimension. Tout est lié, oui je pense. Et alors enfin votre chaîne commun, la dernière, la meilleure, cœur. Crème le chef Michel Dumas. C'est un péché mignon, c'est pas c'est il est au Québec je crois. Je crois que oui. Et oui. Donc il a un restaurant là-bas, donc c'est un grand chef un peu, il me semble. Je sais pas du tout ce qu'il a. Et en fait, il fait des recettes de cuisine, mais il est un peu rustre, un peu. Le montage est fait de telle manière que c'est tout de suite drôle et ridicule en fait. Mais c'est très cool et ça donne envie. Hein. Il veut couper un truc jaune, il prend son couteau jaune. Il coupe son truc jaune, il fait hop à la gamelle, hop, il le balance. Et là ça cut hyper vite et il commence à couper un truc dur, ça fait clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. On goûte, à peine il trempe le couteau dedans, il le jette, il fait c'est bon. L'assiette à la plonge. Donc c'est très drôle et en même temps c'est cool. Sympa parce qu'il fait vraiment un plat, tout est ridicule mais c'est très très drôle. Et... En fait c'est un peu le, tu sais les vidéos avant, tu vois je veux dire ça ressemblerait un peu à, comment il s'appelle celui qui fait les vidéos, tu sais où il balance tout. How to basic, c'est du how to basic un peu mais sauf que c'est de la vraie cuisine et ça fait des plats et tout. En mode à la et maison, c'est un peu du montage à l'ancienne du on coupe les trucs qu'il n'y a pas besoin, et les patates, il les coupe hyper rapidement. Tu sais, c'est pas genre comme dans les vidéos un peu qu'on voit sur Facebook et tout, où t'es genre, tu vois passer le couteau dessus, et tout est découpé. Là, tu vois le tac, tac, tac, tac, tac. Et après, il balance les couteaux. Le montage est mais, complètement. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ok, bah on ira voir. Putain, c'est beau votre complémentarité là. Vous avez présenté le truc, vous êtes passé la balle. Une fois, j'ai dû parler de cette chaîne, je sais pas pourquoi. Et Benjamin m'a dit ah mais tu connais mais ou alors c'est moi qui ai dit ah mais toi tu connais on s'est rendu compte qu'on regardait ces vidéos là mais on sait pas le même soir on s'est dit ok bah vas-y je le parle okay, de ta recommandation bien. Générale et bah écoutez mes chers amis ces derniers temps en fait on est allé en Belgique avec on voit bien la marque pas si longtemps et ça m'a donné envie de lire Tintin putain Asmat produit. Ça m'a donné envie de relire Tintin parce que j'avais pas lu ça quand j'étais petit. Je lisais Astérix et Lucky Luke, mais pas Tintin. Parce qu'il y a beaucoup d'accents racistes. La molette touche à mon pénis. On va y arriver, justement. Très gênant, ouais. Vraiment. Il y a des trucs. et la gueule des Japonais, vraiment, c'est quand même vraiment hardcore. Ouais, parce que ce que tu viens de dire là, moi je le découpe. La gueule des Japonais dans Tintin. Ok, voilà. La gueule des Tintins japonais en Tintin. Parle pas si fort, je sais. Pardon. Je m'emballe un petit peu. Et bref, du coup, je regarde ça. Je regarde Tintin sur Netflix, moi. J'ai découvert un podcast de l'association Fréquence Moderne qui font 2 heures de perdu aussi. Et qui s'appelle Relire Tintin, où elle parle en fait justement de tous les albums de Tintin et de ceux de Hergé. Elle en parle, elle donne plein d'anecdotes, notamment que Hergé en avait fait un qui n'avait jamais été fini. Que le personnage de Chang était une vraie personne, etc. Et toutes ces aventures-là. De quoi ? Non, c'est le média dont t'as dit ça. Le personnage de Chang est une vraie personne. Non, mais voilà, une vraie personne qui connaissait, c'était un étudiant, voilà. Et voilà, plein de petites anecdotes qui te font te replonger dans les belles aventures de notre reporter belge Aoupette préféré. C'était préparé ça ? Ouais. Ça a été préparé une demi-seconde quand on s'est regardé, ouais. On a fait un eye contact là. Ça, c'est un peu comme vous en fait. C'est l'habitude. Et voilà, même si je trouve que la réalisation ou la mise en scène a un peu à se perfectionner, le concept marche quand même vachement bien, surtout pour moi qui suis en train de me plonger dans Tintin. Te replonger ? Ah non, qui suis en train de me radicaliser. C'est l'idéal. Moi qui vois les minorités un petit peu d'un autre œil maintenant. Voilà. Donc voilà, je conseille Relire Tintin de Agathe. Elle s'appelle Agathe sur Fréquence Moderne. Et voilà. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. À toi, Clément Cool 69. Merci. Je vais vous parler d'un compte Instagram qui s'appelle Les Belles Nouvelles. Alors qu'est-ce que c'est que les Belles Nouvelles ? C'est souvent dans ta story. Demander. C'est des nouvelles. C'est souvent dans ma story. Plutôt joli. Agréable. En gros, ces temps-ci, quand même, on se rend bien compte que les médias sont un petit peu défaitistes. À peu près, hein. Souvent, les news sont Macron pas forcément par-ci, joyeuses. Macron par-là. Le coronavirus, malade. Machin. Bon, bref. Amazonie qui brûle, bébé Yoda qui est... Voilà. Macronovavirus. Macron. Tout est un peu triste et on déprime un petit peu, quand même, en France, je trouve. Et il y a un compte Instagram qui a eu la bonne idée en fait de donner tous les jours une bonne nouvelle qui s'est passée. Et donc c'est que des infos joyeuses, enfin plutôt joyeuses ou des trucs qui ont fait avancer les choses. Donc voilà. Ah, c'est les bonnes nouvelles du moment quoi. C'est ça, tous les jours et c'est vraiment d'actualité. Ah, c'est donc cool, c'est des bonnes actus. Quand c'était un peu les incendies en Australie, c'était par exemple parler de tous les dons qui ont été faits pour l'Australie, etc. Mmh. C'est vraiment des trucs bien plus joyeux que juste dire bah, l'Australie ça crame, ouais. Et on est tous fichus. Voilà, donc je vous conseille les belles nouvelles. Ça fait du bien en plus sur le fil d'actualité autour des vidéos de chiens de voir des fois une petite nouvelle et c'est assez intéressant. En plus, du coup, à chaque fois il y a une sorte de description où c'est détaillé et tout. C'est quand même un peu détaillé. T'as quand même une partie de l'information que t'avais pas en fait aussi. Oui, parce qu'en fait après ils citent des sources, etc. Ouais, et ouais. On peut retrouver plus d'infos. voilà, donc les belles nouvelles, je vous conseille. Vous pouvez les retrouver en story souvent de mon compte Instagram. Est-ce qu'ils disent genre, au moins avec l'Amazonie, avec l'Australie, les kangourous ils ont pas froid ? Ouais, voilà, ils disent ça par exemple. Ouais. Et par contre, il y a un truc qui me fait rire, c'est que certains jours, je me demande si c'est qu'ils ont pas de bonnes nouvelles, mais ils disent. On est plus de 50 000 sur ce compte et ça c'est une bonne nouvelle. Et je me dis, oula, c'est que ça sent qu'il n'y a pas trop de bonnes nouvelles aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. C'est pas si ouf, peut-être à ce côté, genre, bon, ce matin j'ai réussi à me lever. Hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tu mets ça, le mec, c'est... Ce matin, j'ai mis mes deux chaussettes, c'était la bonne paire. Hey, on a quand même des oranges sanguines. On nous a cité la bonne nouvelle du jour, c'est 32% des Français ont acheté des vêtements de seconde main en 2019, qui est une belle nouvelle. C'est plutôt cool. Et 88% des mecs sont pédés. Philippe Catherine. Oui, voilà. C'est vrai ? Ah. C'est une chanson de Philippe Catherine. Et l'homme pâle, non, c'est ça ? Exactement. Très bonne chanson. Ah oui, clip. Pas fait un clip tri. Il a fait un tri-clip avec Gérard Depardieu aussi. C'est ça, oui. Ouah, stylé. Ouah. Et ma deuxième recommandation, qui est. En fait, je voulais que ça soit une chouette recommandation, mais en fait, j'ai un peu des doutes pour l'instant. C'est l'appli qui s'appelle Byte, B-Y-T-E, qui est. Oui, voilà. Voilà c'est au moins, c'est fait. Je me suis dit, je vais le faire, et que moi, il va me regarder et me faire. Arrête. On va couper. Et donc, l'appli Byte, qu'est-ce que c'est ? C'est une appli développée par les anciens développeurs de Vine, qui est soi-disant le Vine 2, du coup, le retour de Vine. Non, ça c'est TikTok. Alors voilà, censé c'est être Instagram. Censé être sans cancer de TikTok. Mais alors, pour l'instant, donc elle est sortie. Il y a un viewer de plus. Ouais, c'est ouf. Ouais, ouais. J'ai, TikTok. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Donc pour l'instant, j'ai un peu des appréhensions parce qu'en fait, elle est sortie il y a à peine une semaine. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs à faire dessus. En fait, on peut juste filmer et faire des cuts, etc. Enfin, ouais, c'est les trucs de base. De montage. Et ça, c'est très bien, mais c'est tout. Et c'est tout, en fait. C'est ça le problème, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, on n'a pas le nombre de followers qui sont affichés. Ça lance des gros mots, là. Donc, c'est pas, on n'est pas à la recherche. C'est pas une course. Voilà, c'est pas une course aux followers. Et ce qui est super, c'est que quelques anciens Vineurs commencent à revenir dessus. En France, il y a Julien Josselin qui a sauté sur l'occasion, c'est grâce à lui que je l'ai découvert, qui faisait des très bons Vines à l'époque. Et j'espère qu'il y aura Adrien Ménel qui va revenir, mais pour l'instant, apparemment... Si tu veux parler de moi, si tu nous écoutes, il y a Jules qui s'est réinscrit. Moi, si vous allez sur mon compte Byte, il y a une vidéo de mon nez en très gros plan dans le métro. Donc, vous pouvez vous abonner à ton Byte, c'est Jules ISS. @JulesISS, ouais. @JulesISS. JulesISS. Voilà, et moi, c'est @ClémoTV. Donc, si vous voulez aller voir. Et il y a Soline aussi. Et mais ça, je viens de le voir. @Soline, tout à fait. On dit alors quoi, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes juste des gros boomers, TikTok, c'est pas comme ça. Oui, on est des gros boomers. Oui, bon. Je suis né en 94, ma vieille. Voilà. Tu te calmes. Bon voilà. Bon voilà. Du coup voilà, l'appli Byte, j'espère que ça va devenir quelque chose de bien. Pour l'instant c'est le début donc c'est normal que ça prenne un peu de temps, mais voyons, on verra ce que après pour moi faut vite qu'ils apportent du contenu pour que ça tienne. Enfin après Vine, nous on en avait un peu l'approche à la française. C'est que c'était pas du tout la même chose qu'aux États-Unis où c'était un truc énorme, mais moi j'avais l'impression que c'était c'était moins réseau social que le reste en fait. C'était comme c'était un truc où tu regardais des vidéos. C'est ça, c'était pour faire du LOL, pour faire des trucs, mais sauf que j'ai peur, tu vois, TikTok est rapidement devenu un réseau social. C'est carrément. Et je pense que Byte, c'est comme YouTube à la base. De toute façon, à la base, c'était vraiment juste des gens qui mettaient des photos de leurs chiens, de leurs chats. Oui, leurs vidéos. C'est vrai que maintenant, tu as des stories, tu as des communautés. Maintenant, il y a vraiment un contenu qui est entièrement. Il y a des posts, des trucs comme ça. Tu suis vraiment une personne, tu ne suis plus un contenu. Il y a des gens qui continuent à l'utiliser comme ça, mais c'est plus du tout l'idée qui est derrière maintenant. Après, pour l'instant, Byte, au moins, il n'y a pas le nombre de followers. Je me dis, s'il reste là-dessus, c'est possible qu'il reste là-dessus. C'est jugé par rapport au contenu. Ouais, c'est ça. Il paraît que Ninja va aller streamer sur Byte. Mais juste 6 secondes, vraiment. À chaque fois, c'est des streams de 6 secondes. Il cut, c'est spawn, kill, victoire. Voilà. Les best-of. Ouais, c'est ça. Voilà, on en a fini pour les recos. Vous n'avez pas d'autres recommandations? Moi, c'est Tintin. Moi, c'est bon. Non, il y a des choses que je vais redire après. D'accord, donc on reviendra après. on va passer à un premier jeu, les amis. Ah. Si ça vous tente. Parce qu'ici, on adore les jeux. Je ne sais pas si vous adorez. Pas ouf, apparemment. Pas trop. Si, bon. Si, allez. Pas, ouais, pas très déconneur. Hein. C'est le retour de mon fameux jeu des tweets. Je sais pas si toi, t'avais déjà eu un jeu des tweets, peut-être pas. Je l'avais fait plusieurs fois. Ça me dit rien. En gros, je cite un tweet et vous devez trouver qui l'a tweeté. Okay. Tout simplement. Ah, très bien. Alors là, comme on est dans une émission spéciale année 2019, c'est des tweets de 2019. D'accord. Donc c'est assez simple. Oh, c'est cool. J'en ai pas trouvé beaucoup parce qu'en vrai, des tweets qui ont un peu été connus en 2019, il n'y en a pas eu beaucoup. Ok. Donc voilà, on va essayer de trouver. Quelqu'un nous a dit l'année dernière, c'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu. C'était une aventure incroyable. Qui a dit ça? L'an dernier. Oui, c'était l'an dernier. Ouais. Ça a fait un peu l'actu. On peut te poser des questions sur lui? Tout à fait. Vous pouvez poser autant. Est-ce qu'il est français? Oui, tout à fait. Très bien. Un youtubeur? Non. Non. Car c'est un présentateur. Non. Merde. C'est une présentatrice. C'est pas Fanta, non, du coup. Non, ce n'est pas des... Ah oui, ça va. C'est pas Fanta. Salut tous les amis. Mais il a pas arrêté. Il a juste réinvesti ses efforts dans d'autres domaines. Bah, en tout cas, il a arrêté sa chaîne avec Bob. Le Bitcoin. Bitcoin. Ah, c'est vrai? Ouais, maintenant il fait la météo Bitcoin. Du Bitcoin. Ah, moi, ah ouais. Putain, je crois qu'il avait juste. C'est là que vient le même. Ils sont en train de se faire spoiler. Vous venez de vous faire spoiler dans le chat. Je pense que c'est Tony Parker. Faire spoiler. Ah, c'est Tony Parker. Ouais, il y avait la réponse. Ah oui. Oui, Tony Parker qui a mis fin. Il a mis fin à sa carrière de rap. Oui, ouais, en il a mis fin à sa carrière de rappeur, c'est ça? C'est tout à fait ça. Kobe et Bryant aussi. Wow. Oh, mec, je couperais ça. Attends, ah, on est à quel. Quel quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Il est à la retraite. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Alors, par contre, nos fakes sur les réseaux sociaux. Quand malheureusement donc, Kobe Bryant nous a quittés, j'ai vu des gens partager des photos de Michael Jordan. Oh, putain. Voilà. Tweet suivant, qui a dit « Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle et le gilet jaune ». Et alors, pour savoir, il y avait une photo, enfin c'était accompagné d'une photo de lui en gilet jaune. Qui a fait ça? Répète. Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle et le gilet jaune. Et le gilet fluo, pardon. Ah. Bon, c'est jaune, la couleur. Est-ce qu'on est sur quelque chose comme un rappeur ou un artiste un peu ghetto, un peu... un peu street, quand même. C'est plutôt un rappeur, ouais. Alors, on nous dit Macron, je crois pas. Est-ce que c'est un petit Caris de Galère et Fago? Putain, c'est Caris, oh, tout à fait. Bravo, oh là là. C'était Caris. Ouais. Greta Thunberg, on est dit, oui. Bien sanguin. Bien sanguin. C'est Caris qui est un peu sanguin quand même. Hein. Ah oui. Et ah, alors, général, si vous retrouvez le tweet, il est quand même avec un gilet jaune. Ah, on voit pas souvent Caris avec un gilet jaune. Qui nous a dit la visite amicale d'un Levalloisien tellement heureuse, moi qui ne suis pas Bella. Alors, c'est accompagné d'une photo, il faut trouver avec qui. Avec Maître Gims. Bah oui. Et alors, qui est cette personne? Patrick Balkany. Pas Patrick. Heureuse. Sa femme. Ouais, Isabelle Balkany a reçu la visite de Maître Gims. Et elle a mis une photo. Et elle a mis un tweet. Je suis contente. Même si je suis pas Bella, il est venu me voir quand même. En gros, c'est ça. Elle a mis la visite amicale d'un Levalloisien. Donc, je savais pas que Maître Gims était de Levallois-Perret. Ah, mais oui, mais je la vois si tu nous entends. Tellement heureuse, moi qui ne suis pas Bella, entre guillemets, elle a mis. Il y a une photo avec Maître Gims et Isabelle Balkany. Patrick Balkany. Il n'y a vraiment personne quand t'es contente de voir Maître Gims. Bah, il y a que Isabelle Balkany. En vrai, moi je suis sauveur qu'on ait jamais connu. Je suis à l'hosto, il y a Gims qui vient. Je prends des snaps avec lui. Alors mais non, mais en vrai, enfin, moi je m'en fous de Gims. Ouais. Mais Ah, il est homophobe quand même. Si t'es à l'hosto. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je le croise, j'ai aucune haine envers. Enfin, en vrai, je préfère voir Gims que Isabelle Balkany. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Alors, Patrick, il est au-dessus. C'est vrai. On l'embrasse. Si tu nous entends. Avec Coluche et des proches. En tôle. Transition. Alors, qui a dit. Depuis tout ce temps. Bon, il y a un ouvrier. Bon, voilà. C'est pas assez Jean-Baptiste tout ça. Ouais. Qui a dit. Bon, il y a un ouvrier sur mon balcon qui refait la façade. J'ai du simple vitrage, j'entends absolument tout. Il vient de dire. Et 1, et 2, et 3. Puis a lâché une énorme caisse. Terracide. C'est Terracide. Et après, il a mis. Je pense que je vais l'inviter à prendre un café. Je me souviens très bien. Bravo, Terracide. Je me souviens d'avoir lu ce petit tweet le matin dans le métro et avoir bien rigolé. Qui a dit « Je propose de faire entrer le mot Brexit, sans majuscule, dans la langue française. Il désignera un débat cacophonique et insoluble, une réunion foutoir, une assemblée bordélique. Exemple, l'assemblée des copropriétaires s'est achevée en Brexit. » Qui a dit ça? Balkany. Un esprit un peu... C'est un humoriste? Non, c'est pas un humoriste. Est-ce que c'est un mec qui a fait des lives? Non plus. C'est pas quelqu'un qui fait des chroniques? C'est pas Ninja. C'est pas Cyril Hanouna? Non, je pensais pas du tout à lui. Est-ce que c'est un mec qui fait ouh Pierre Bénichou. Non, c'est pas Laurent Ruquier. C'est pas Pierre Bénichou. C'était Pierre Bénichou ça. Attendez, je cache le. C'est la réponse, c'est Pivot. Ah merde, ouais, c'est Bernard Pivot. C'est Bernard Pivot. Ah, je vais vous cacher le chat. Franchement, j'aurais jamais trouvé. Ah, mais putain, vous voyez ce qu'il fait à cause de vous. Qui a dit. J'ai décidé de prendre ma retraite en une autre personne encore en 2019 et de fonder une famille. Je sais que vous êtes heureux pour moi. À mes fans, je demande de continuer à me représenter jusqu'à ma mort dans le cercueil, puisqu'il n'y a personne pour me contrôler. Je vous aime pour la vie. Bon, ça alors, déjà, cercueil, j'allais dire quelqu'un, femme, mais on va ça, dire. On va couper. Alors, bon, c'est une femme qui a dit ça. C'est une femme, tout à fait. Mais elle prend sa retraite. Lynn Renault. Non. Est-ce que c'était une chanteuse française? Une chanteuse, une actrice? Une chanteuse, mais pas française. Elle est morte, Lynn Renault, ou pas? Non, une chanteuse qui a arrêté. Ouf. Une chanteuse. Ça a pas trouvé dans le chat, je viens de vérifier. Céline Dion. Elle prend pas sa retraite. Non, Céline. Elle faisait pas un truc une dernière tournée au machin? Non, depuis Carnet est mort. Merde. Je sens que ça te fait quelque arrêtez. Chose. Arrêtez. Arrêtez tout. On va arrêter de parler des gens morts dans cette émission. Mais pourquoi? Mais alors, c'est les Wisson. Merde, ça fait partie du bilan. Excusez-moi. Du bilan. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. C'est Beyoncé. Non, alors mais vous souvenez pas l'année dernière, il y a quelqu'un qui a pris sa retraite. Amel Bent ou un truc comme ça. Non, elle n'est pas française. Américaine. Elle était un peu en clash avec une autre chanteuse du même genre et. La Britney Spears. Non. Ah. Elle a décidé d'arrêter. Ouais. Est-ce que c'est du type Christina Aguilera? Non, Kylie Minogue. Non plus. Bah, mais Miley Cyrus, il y en a du monde qui doit arrêter. Demi Lovato. Non. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez dommage, jeune. C'est pour ça qu'elle dit j'ai décidé pour de fonder une famille, etc. Non, mais elle est américaine. Bah c'est. Ouais, peut-être tu vas trouver. Non. Vita elle teint plutôt allée. Elle a joué dans des films dernièrement. Non, mais j'ai... C'est, je crois, quelqu'un qui chantait Anaconda. C'est Nicki Minaj. Oh yes, ah, yes. Elle se casse. Oui. Elle a arrêté. Putain, c'est très très bien, ça dégage. Diana, Nadia, Angèle. Ouais, voilà, il y a des détails vraiment. Alors, et enfin, dernier tweet. Qui a Nadia, dit... merde. Qui a dit re avec un point? Ah, c'est Grégory Lamarchal. Diablo X9. Diablo X9. Non mais, attends, non, mais on coupe pas ça. Je te promets que la blague a déjà été faite. Oui, oui, je sais. Sur le compte de Grégory Lamarchal. C'est notre blague. On le coupe pas ça. Alors. Non, non, ça, c'est eux, on a le droit, c'est ça. Bah oui, on a le droit, il est mort. Mais c'est la même blague, du coup. C'est la même genre de c'est Michael Jackson ou un truc comme ça. Non. C'est assez... C'est quelqu'un qui a fait l'actualité en 2019. En 2019. Mais il est mort ou pas? On sait pas. Quoi? Non, mais il est mort ou il est pas mort? Je vous ai donné un gros indice, on sait pas. On sait pas s'il est mort. C'est un énorme indice. Le respect. Non, c'est pas Johnny. C'est pas Johnny. Alors... Mais un vrai mec qui est vrai... Mais on sait vraiment pas s'il est mort. On sait pas s'il est mort. Non, mais c'est quelqu'un qui existe ou pas? Il y a un mec qui a créé un compte Twitter en mettant juste re. C'est un personnage ou c'est donc un... C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. J'en ai entendu parler de ça et j'arrive pas à me souvenir. J'ai pas fait l'actu en 2019. C'est pas Sardoche, du coup. C'est pas un chanteur. Non, c'est quelqu'un. Un streamer. Qui a des mauvaises activités. Enfin, qui a fait des mauvaises activités, vous dire. Triple Extension. Jardinage. Un peu de mauvais. Triple Extension. C'est parce qu'il s'est fait genre. Lil Pump. Il a fait de la drogue ou je sais pas quoi. C'est un rappeur ou pas? Non. Ah. Il a fait du jardinage. Quelqu'un avec des lunettes, je crois. Jean-Pierre Coff. Il a pas mangé. On sait qu'il est mort. Hein. Oh, ouais. Trouve. On sait qu'il est mort, Jean-Pierre. Ah putain, mais c'est con. C'est infernal ça. C'est Xavier Dupont de Ligonnès. Ah. Il a fait du jardinage. Non, il a tué sa famille et il l'a enterré. Sous son. Bah, il a trouvé aussi dans oui, c'est ce truc où ils l'ont retrouvé en Angleterre, je sais pas quoi. Et en fait, voilà, il y avait l'histoire bon l'année dernière, voilà, où c'était pas le bon gars qu'ils avaient arrêté et qui ressemblait vraiment pas du tout à Xavier Dupont de Ligonnès. Excusez-moi. Tu sais pas qui c'est, mais, Pierre Palmade. C'est un truc la blague Grégory Lamarchal oui, est moins trash que. Oui, c'est pareil, le jardinage. Mais non, lui il est juste mort d'une maladie. L'autre il s'est fait. Oui, bah, c'est ça, ils ont jardiné. Ça. Voilà. Ah oui, oui, oui. Non, je croyais que Kobe t'allais dire. Mais, non, mais arrête avec ça. Mais c'est incroyable. Je vais couper ton micro. Cobite, l'appli. Voilà, c'était juste une blague. Okay. Hein, parce que c'était pas un véritable tweet, on va dire. C'est un mec qui a créé un faux compte. Oui, enfin, j'imagine que c'est pas le vrai Xavier qui aurait mis. Il est introuvable, à mon avis. Bon, je pense qu'il est mort. Très très con. Ça, chacun son avis. Voilà, on a terminé le jeu des tweets et on va passer au thème en fait. Bon. Et qu'est-ce que c'est que le thème cette fois-ci, Jules? Le thème ce soir, c'est la cérémonie des Laurendors. La cérémonie des Laurendors. T'as pas le petit, la petite image? Si, je vais la mettre. Ah non! Allez! Salut Lolo! On peut, voilà, il est juste là. Soin avec les signes. Voilà. Pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous pouvez voir un énorme. Voilà, le Laurent Mariotte. Un énorme prix, Laurent Mariotte. Estivaux, voilà, on rappelle qu'on adore Laurent Mariotte. Ouais. C'est vraiment une de nos personnalités de la télé préférées. Ouais. D'ailleurs, Laurent, je commente tout le temps tes publications Facebook. J'aimerais que tu me répondes un jour. C'est un message qui est passé, je pense qu'il écoute l'émission. Et est-ce qu'on pourrait tous citer un Laurent autre bien sûr. Que celui-ci? Bien sûr. Vas-y, vas-y. Bah, comment c'est ton idée? Laurent Meschko, putain! Laurent Ruquier! Allez! Moi je pense, je me rappelle plus son nom, rappelez-moi. Laurent Ournac. Ouais, c'est ça, bien. Ouais, il n'en reste plus là. Ah, si, il y en a un Laurent dans le chat. Ah, oui! Ah, bien joué. Il y en a un dans le chat. Il y a Woolsey. Il y a Woolsey. Il y a Laurent Meschko. Ah, ouais, bien sûr, Woolsey, putain! Mais oui, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Ah! Vous voulez faire 5 secondes de Woolsey là? Ouais! Seconde à l'insouciant. Ah, ah. Voilà. Là Laurent, mon oncle, oui, c'est vrai que j'ai un oncle qui s'appelle Laurent, on l'embrasse. Alors, qu'est-ce que c'est que les Laurent d'or? Jules, tu veux l'expliquer? Alors, ou... bah, vous voyez les Oscars? Oui. Bah, les Laurent d'or, c'est mieux. C'est 1000 fois mieux. C'est tellement mieux. Et c'est bien plus espiègle. Les Oscars. C'est bien plus goûtu. Hein? Tout à fait. Alors, le principe. C'est goûtu. C'est que lors de cette année 2019. On a tous vu des films, on a tous écouté des albums, on a tous joué à des jeux, oui, on a fait plein oui. de choses. Et bien, pour toutes ces œuvres, nous allons décerner un Laurent d'or parmi 5 nominés maximum. Ah, un petit peu moins, voilà, attendez-moi, vous allez voir que des fois il y a moins. Non, non, excuse-nous, Soline, ça ne marche pas comme ça. Il y a Soline qui dit, attendez-moi, je vais pisser. On fait une petite pause. Ah, on fait une pause. Allez. Silence. C'est bon, on attend. Ça me donne envie de pisser. C'est bien la petite musique de Babou-Frik. Babou-Frik. Le Babou-Frik. Bah, allez, allez, c'est qui Babou-Frik en fait? C'est le petit mec dans Star Wars 9. C'est celui qui dit ah, donc oui, c'est français. C'est celui qui le reset. Référence à Star Wars. Babou. Et je l'aime beaucoup. Avec une bonne vanne du film, je trouve. C'est un peu hors contexte, mais c'est pendant qu'elle pisse. Une bonne vanne du film où C3PO, quand il est réactivé, quelques temps plus tard. Il dit un truc du genre « Je te présente Babou-Frik, mon meilleur ami depuis longtemps », sachant que c'est le premier truc qu'il s'est rappelé depuis... Ça fera une bonne chose dans ce film. Oh, alors, du coup, parmi 5 nominés, messieurs, préparez vos dans listes. Dans plusieurs catégories. Voilà. Qui sont... on a alors le film de l'année 2019, on a la série de l'année 2019, on a le projet YouTube de l'année 2019. Laurent Rounac. On a le jeu vidéo de l'année 2019. Anorak. Et enfin, on a l'album de l'année 2019. Honoré de Balzac. Et on fait une petite pause parce que Siempre Gaga va chercher un kebab. On attend. Ah, ah putain. Ça va être un peu alors, plus long. Alors, ça va, c'est juste, en bas de chez nous, donc c'est bon. Ah, ok, bon, ça va. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que donc on a chacun un peu nos sélections. On a nos petites listes. Est-ce que c'est on distribue un Laurent chacun pour chaque voilà, catégorie? Chacun un Laurent à donner. Ça fait beaucoup de Laurent. Ça nous fait 20 Laurents à distribuer. Je les ai. Ils sont là. Et non, c'est des bières. Ok. Non mais il est là. On distribue une orange sans prend. Regardez, il est là. Voilà. Attends, tu veux vraiment le déplacer? Mais peut-être qu'on aura deux fois le même Laurent d'or pour Laurent Dutch. Oh, on l'a pas. Voilà, à nouveau. C'est très long. Tu veux le mettre où? Tu veux le poser où? Je vais le poser d'un coup sec vers le bas. Ok, vas-y. Laurent d'or vers le bas. Référence à nos lives. Voilà. Parce qu'on a fait des lives sur Train 2 avec Manu et Clément. Bouclier vers le bas. TV. Bouclier vers le bas. Oh, ouais, petite référence. Qui c'est qui veut commencer à distribuer son premier Laurent? Benjamin, je te propose de commencer. Allez, Benjamin, pour les films. Alors, attends, on va faire une voix off, un par un. Tu commences, Manu? Vas-y, fais la voix off pour les films de l'année. Pour les films de l'année, sont nominés Parasite. Vas-y, continue. Ok. Si tu veux argumenter. Vice. Après, on verra. Vice. Ok. Le Chant du Loup. Joker. Évidemment. Et John Wick. Ah. 3. Étonnant. Le 3, oui, bien évidemment. Parabellum. C'est le 3 qui est sorti en 2019. D'accord, donc ça, c'était 5 films de l'année. Très bien. Et alors, le Laurent d'or de l'année est Vice. Vice, putain, inattendu. Oh. C'est vrai. Pourquoi? Alors, il y a des gros. Explique-nous. Explique-nous vite fait, vas-y. Rapidement, parce que bah j'ai, en fait, j'ai mis tous ces films-là et j'ai mis Vice juste parce que c'est celui où je me suis vraiment dit, ouais, c'est vraiment il y a un truc, c'est hyper intéressant. Je connais pas le sujet et ouais. Je regarde pas trop les films de ce réal. Mais avant ça, il avait déjà fait The Big Short. Et les Vice, c'est pareil, en fait, c'est vraiment hyper prenant et on apprend plein de choses et en même temps, c'est juste énorme. On se marre tout du long. Ah, on se marre aussi. Ah oui, on se marre vraiment. C'est vraiment, okay. C'est vraiment. Est-ce que tu t'es tapé la cuisse en rigolant? Ah oui, très fort, très fort. J'ai tapé du pied même un peu. Il s'est bidonné. Hein. Je te mords de rire. Hein. Le connard au ciné qui tape du pied. Genre... Il y a toute la rangée qui vibre et tout. Ouais. Les serpentins qui se relèvent. D'accord, je l'ai même pas vu, Vice. Bah, je le conseille vivement, c'est super intéressant. Ça parle de quoi en deux mots? Bah, en gros, c'est la présidence de Bush Junior. Ouais. Et donc tout ce qui se passe, et tu vois l'homme qui en fait est, donc c'est vraiment, c'est biographique, l'homme qui en fait gère la politique aux États-Unis pendant toute la période Bush et même un peu avant, un peu après, je crois. En fait, c'est l'assistant de Bush. Bah, c'est le vice-président en fait. Ouais, Christian en Bale, fait, c'est il... ça. Qui est joué par Christian Bale, qui est méconnaissable et qui est juste fou. C'est il est fou. Ouais. Et le deuxième acteur qui s'appelle, j'ai un trou sur son nom, Sam Rockwell. Sam Rockwell, 3 années de suite aux Oscars. Oui, il a gagné il y a 2 ans pour Free Billboard. L'an dernier pour Vice, il était nommé aussi. Cette année, je crois qu'il revient pour Jojo Rabbit. Il y a moyen que. En ce moment, il est très très fort. Il a le vent en poupe. Il a vraiment le vent. Je vois que dans le chat, je mets des gens en désaccord profond. Mais on verra ça plus tard. Pas. De toute façon, chacun son avis, c'est subjectif. Hein, on rappelle. Très bien. Tu veux que je le fasse? Manu. Ok. Un petit. Les nominés pour le film de l'année sont Joker, Avengers Endgame, Parasite. Et la surprise, Détective Pikachu. Oh ah wow. Et donc oui, parce que à chaque fois j'ai fait une stratégie de 4 plus 1. 4 que j'ai vu plus 1 que j'ai pas vu mais que je sais qu'il faut que je rattrape. Ça compte pas, ça compte. Et John Wick Parabellum. Ah bah normal. Très bien. Oui, bah après je suis content que tu peux deviner que c'est aussi bien. Et ouais, bah c'est trop bien. Moi du coup petite explication vite fait. Tu veux expliquer? Vas-y. Je vous le dis tout de suite, c'est pas Avengers Endgame que j'ai mis dedans parce que c'est quand même un peu la fin de l'apogée du truc Avengers. J'y vais pareil aussi. j'ai préféré Infinity War, mais je trouve que c'est quand même une fin très cool à regarder. Ouais, et c'était un gros kiff aussi. C'était marquant en fait. Ouais. C'est ça, c'était vraiment marquant. C'était vraiment cool. On en a déjà parlé dans un podcast, mais en fait, c'est vrai que pour les fans du MCU, c'est un très bon film en fait. Après, pour les autres, c'est généreux. Ça... Peut-être. Ouais, ouais. Et j'avais mis entre parenthèses, enfin, je voulais pas mettre de Marvel aussi, j'ai mentionné Spider-Man Far From Home. Que j'ai bien aimé, qui malheureusement sera jamais aussi bien que Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, on pouvait pas le citer, c'était 2018. C'est mieux que Homecoming, je trouve. Quoi. Oui, mais je l'ai bien aimé, moi, le 2. Et je trouvais ça très intéressant ce qu'ils avaient réussi à faire par rapport à Mysterio, que je voyais mal à adapter en film. Visuellement, c'est super. Hein. Et visuellement, ça déchire. Mais c'est pas lui qui a le Laurent. Non. Et le Laurent d'or 2019 est attribué à. Parasite. Oui. Bien joué. Bravo, Je voulais vous prendre de cours. Petite mention à Détective Pikachu que j'ai mis dedans. Ouais. C'était plus la surprise de l'année. J'attendais rien de ce film. En fait, j'en attendais un peu comme Sonic, pareil. Là qui arrive, de la merde. Et en fait, c'était plutôt la bonne surprise. Ils ont respecté les fans en fait. Ils ont juste donné aux fans ce qu'ils voulaient. Oui, mais c'est pas trop leur genre. Tu vois. Et c'est pas le genre d'habitude en fait. C'est ça. C'est... J'ai fait, pareil. Non, mais très beau film en plus. Très sympa. Voilà. Petite baisse vers la fin. Et je me doutais qu'il serait pas forcément dans vos listes, donc j'en ai profité. T'as bien fait pour le cool. Non, c'est cool. La réconciliation avec Ryan Reynolds en plus. Tout à fait. Benjamin, tu fais la voix off pour Jules ? Oui, pas de souci. Très bien. Les Laurent d'or du meilleur film 2019, les nominés sont Joker, Doctor Sleep. Avengers Endgame, John Wick 3 et Retour à Zombieland. Oh, et ouais, on l'avait oublié celui-là. On l'avait vu ensemble. Par contre, on voit qu'il y en a certains qui ont marqué quand même. En termes de. Quand il l'est dit. Dans la pop culture, non, on voit qu'il y en a qui reviennent quand même. Après. Avengers Endgame, Joker. Enfin, je veux dire, nous quatre, on est quand même globalement compatibles, et sexuellement, et cinématographiquement. On est de même type de sang. Non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on a des faire des transfusions. Oui, s'il y en a un qui est dans le mal, on peut tout à fait faire des transfusions. C'est super. Tout moment. Alors, et le grand gagnant des meilleurs films de l'année 2019, est Doctor Sleep pour moi, qui sonne très mal en français, Doctor Sleep, pas ouf, franchement. Docteur Calma. Mais franchement, retour de Ewan McGregor, pour moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Obi-Wan. Et ensuite, c'est un film qui, étant une sequel, m'a fait plus apprécier le premier. En fait, j'aimais pas de ouf Shining. Et je comprenais pas trop Shining non plus, en fait. Mais je pense que je vais choquer les 7 personnes qui sont là. J'ai préféré Doctor Sleep à Shining. Moi aussi. Et j'ai failli le mettre dans ma liste. Et j'ai choisi entre Détective Pikachu et lui parce que. Mais j'ai beaucoup aimé Doctor Sleep. Et je trouve que visuellement, c'est très très sympa. Il y a des super idées. Ouais. Mais même l'histoire, tout est cool. Enfin, l'univers est établi très clairement, je trouve. Ouais. Pas de temps mort. Il y a de la violence, clairement. Ouais. Tout est carrément plus clair. En fait, dans Shining, il se passe des trucs, mais tu comprends pas grand-chose, je trouve. Et puis, au final, comme je parlais de Sam Rockwell juste avant, il y a des espèces de cycles, je pense, pour les acteurs qui reviennent. Et Ewan McGregor est en train de revenir, là, entre Doctor Sleep, là, il y a le prochain Harley Quinn. Ouais, c'est ça, Bird of Prey. Il joue Black Mask, et il a l'air d'être plutôt cool dedans. La série Obi-Wan qui arrive, tout ça. Et il a joué dans un autre film, j'ai oublié lequel. Oui, mais enfin voilà, en ce moment il y a rien, Ewan McGregor. Ouais. En fait, on fait les pronostics des acteurs, c'est marrant. C'est le mercato. Ils ont la cote. Et voilà, je n'ai pas mis Avengers Endgame pour la même raison un peu que Manu. Je suis très fan et pourtant c'est un film qui m'a foutu mais des énormes poils en fait. Et Joker m'a retourné. Alors j'étais là, je les ai vus. Ouais, franchement, honnêtement, Joker est très très bien et pour moi il est presque aussi bien que ceux que j'ai mis là, mais c'est aussi un film dont tout le monde a beaucoup parlé, tout ça. Oui. Et donc forcément, il y a eu un espèce de... contrebalance, ouais. Pas de contrebalance, mais évidemment, à force de le... Enfin, je veux dire, Joker va rafler une bonne partie des Oscars, je pense, et il le mérite. Mais c'est juste que là, quitte à parler de film, autant décerner d'autres. Oui. Moi, ce que je me pose comme question, c'est... Non, mais c'est très bien. C'est, très c'est bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi Bienvenue à Zombieland 2 enfin, Oui, c'est vrai, oui. Parce que j'en ai entendu beaucoup de mal, j'ai pas pu le voir. Ah ouais je sais pas Moi, je l'ai pas regardé. Du tout... Moi, j'ai passé vraiment... T'as vraiment passé un bon moment Ouais, ouais, j'ai passé un bon moment, j'ai bien... Entre nous. T'as vraiment passé un bon moment Tu peux quoi C'est parce que j'étais là, en fait. J'ai passé un bon moment. Je lui touchais la cuisse. Alors, pareil que... La bonne cuissasse. Pareil que... Le premier. Qu'est-ce qu'on disait avant C'est quel film où j'ai dit que la fin était un peu en dessous Détective Pikachu. Oui. Ouais. La fin est un peu en dessous pour Zombieland. Mais non, quand même assez drôle dans l'ensemble. Et non, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis il y a des plans séquences de poursuite. Enfin, je pense à un en particulier vachement drôle. J'ai coupé la musique, hein. C'était juste un peu chiant. Et voilà. Pour revenir très rapidement, Avengers Endgame, il m'a fait ressentir des trucs que j'ai jamais ressenti. Vraiment, j'avais le cœur qui battait et tout. J'ai bandé. T'as joué pour la première fois. J'ai joué. J'étais là. Et vraiment, il m'a foutu mais littéralement les poils et j'en pouvais plus quoi. Grosse tension. Ouais. Complètement ouf et je suis sorti de la salle en mode waouh putain mais 10 ans d'histoire qui se. Mais d'un côté. Mais c'est vraiment un film qui est pas parfait. Il a plein de défauts, des trucs discutables. Infinity War au final. Infinity War a rien à se reprocher. Non mais nous mettait aussi un sacré coup et en même temps le truc c'est que Endgame moi j'en suis sorti. T'es des étoiles plein les yeux, t'es refait, je trouve qu'il y a de l'émotion, je trouve que c'est ça qui marche. Et à côté de ça, par contre, plus j'y réfléchissais après, plus je me rappelais du traitement de Thor, de Hulk, de certains personnages qu'on voit pas, oui, que j'aurais aimé plus voir, certains petits problèmes et tout. Et ça que tu te dis, ils ont réussi leur pari, mais pas de là à C'est pas parfait. Ouais, c'est une bonne parfait. Conclusion. C'est atterrissage vite fait en trombe, mais ça va quand même. Tu vois, c'est presque plus le MCU en entier qu'on salue avec ce film. Tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et voilà pour moi. Très Ensuite, bien. Il reste toi, Clément. Oui. Les nominés de Clément pour les Laurent d'Or 2019 sont... Parasite, Toy Story 4, Joker, Avengers Endgame, Green Book... Ah, j'ai failli le mettre. Qu'on n'avait pas cité. Que je n'ai pas fini. Le Laurent d'Or du meilleur film 2019 est. Parasite. Ouais, également. Bah ouais. Ouais, qui m'a vraiment retourné pour le coup et qui. Assez inattendu en fait. En fait, j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu du film en fait. Mm-hmm. J'y suis juste allé en me disant. C'est le nouveau Bong Joon-ho et c'est la meilleure façon d'appréhender le ouais, film, c'est je pense, ça, en fait. De rien savoir. Vraiment... sinon, en fait, c'est des films à twist. Donc, ouais, c'est ça. Et en fait, tout était fou dans ce film, quoi. Tout incroyable. Et alors, moi, on m'a dit après, certains de ses autres films sont encore mieux. Donc moi je les ai Memories of Murder ouais. Memories of Murder qui oui, est voilà. mon film préféré de lui c'est anciens apparemment ouais. j'ai vu Okja et Snowpiercer c'est cool mais ouais. comme Parasite moi je l'ai pas mis dans mon top il y a ça il y a aussi The Host qui est très bizarre à regarder et Okja qui est super cool qui donne envie de devenir végétarien voire vegan je pense oui c'est horrible mais ouais il y a vraiment des super films dans sa filmo il a une très très bonne filmographie ouais c'est clair. The Host c'est Le Locataire ou ça a rien à voir je saurais même pas te dire c'est un film très bizarre un peu SF avec une espèce de créature chelou qui vit dans l'eau et il se passe des trucs très très bizarres et le ton au début est très décalé mais au final on rentre bien dans le film et ouais vraiment une super découverte. On nous dit Mother cool aussi. Ouais, Mother, qui est un des films que j'ai pas vu de lui et qui paraît juste génial. Mais à chaque fois aussi, il a des bandes originales qui sont super. Ouais, Parasite aussi, très marquant. Mummy aussi. Memories of Murder, j'avais trouvé ça pas mal. Et après, il y a le thème en fait, principal qui reste et qu'on écoute pendant des semaines après. C'est vraiment... c'est génial. Mais Green Book, j'ai failli le mettre aussi parce que c'est quand même très très cool. Ouais. Et t'en as dit un autre. Et Toy Story 4. Toy Story 4 que... Je suis allé au ciné non plus. Depuis la première fois depuis hyper longtemps, c'était quand cet été, un truc comme ça, j'avais pas mal bossé avant, j'avais pas eu le temps d'y aller. Et je me suis fait tout seul Toy Story 4 un après-midi, et j'ai juste kiffé le fait d'être au ciné pour voir ça. Ça m'a vraiment fait un truc, ouais, visuellement il est vraiment beau, je trouve. Ah, il est magnifique, ouais. Et vraiment. Toy Story 4, en fait, je l'aurais pas fait gagner. Non. Mais visuellement il est beau. Mais voilà, il est très beau, il est très émouvant. Après, d'ailleurs pour les Oscars, 2020, où au niveau film d'animation, il n'y a pas énormément de choses, je trouve. Ouais, j'aimerais bien je pense qu'il a peut-être sa place. Que Disney reprenne peut-être un gros coup de bâton sur le fait de sortir des films à la chaîne comme ça. Ouais. Et qu'ils aient moins d'Oscars, justement, moins de nominations. Le truc, c'est que Toy Story, c'est incroyable dans le sens où, à chaque fois, enfin, il y a eu le 1, le 2, ouais. À chaque fois, on s'est dit, faites pas de suite, c'est la suite de trop, ça va être nul, ça va être chiant. Non, et à chaque fois, c'est bien. Ouais, et je vais dire un truc, et c'est mieux fait que les suites, je trouve, type Âge de glace ou Shrek, où au bout d'un moment, t'arrives plus que dans une avalanche de blagues, mais où l'histoire est moins belle. Là, à chaque fois, l'histoire est belle. Je suis pas d'accord, parce que tu vois, tu peux dire ça par exemple d'un Kung Fu Panda qui est très simple. Oui, mais les histoires Kung Fu Panda sont bien. Mais Shrek, tu vas avoir des rebondissements tout le long, tu vois. Shrek 3 ça passe encore. Non, mais justement, à chaque fois, moi, les 1 sont hyper bien. Ah, tu parles des suivants. L'âge de glace 1, c'est un de mes films préférés. Et les suites, moi, perso, j'ai du mal. Alors que. J'arrive même pas à m'en souvenir. Et Toy Story, à chaque fois, c'est des belles histoires. C'est trop bien. Ok, passons à la suite et aux séries. Ah. Et je remets la musique. Parce que j'adore cette musique, Livre de droit. Alors, on passe aux séries de l'année 2019 et on commence par Jules pour changer. Est-ce qu'on fait les génériques et tout à chaque fois ou... Peut-être pas. Hein. Bon, vas-y, fais ta liste. Allez-y. Très bien. Donc, dans mes 5 nominés des meilleures séries. Ah merde. Cette fois, j'en ai 5. Profitez que j'en ai 5 parce que ça va pas durer. Ah. Il y a la série You, je sais pas si vous connaissez. Je l'ai vu aussi. Je l'ai fini il y a. Enfin, j'ai mais je vois ce que c'est. Genre il y a une semaine. Ah bah voilà. La saison 2 aussi Oui, justement. Ouais, très bien. Et bah, j'ai You saison 2, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Dont l'acteur principal est un mélange du chanteur Panic at the Disco et de Henry Cavill. Je sais pas ce que t'en penses. Il a été essoré à la machine, on va dire. Ouais, dans ouais. Dans ce cas-là, il a perdu les muscles. Dans ce cas-là, j'aime cette série. Il a perdu un peu de pec. C'est pour ça que c'est aussi Panic at the Disco. Donc il y a You saison 2 qui a vraiment fait une saison qui m'a accroché de bout en bout, ouais, tout simplement. Ouais, c'était pas mal du tout. Ouais. Titans saison 2 que je n'ai pas fini, mais le peu que j'ai vu, ça m'a fait plaisir en termes de super héroïsme. Je trouve la saison 2 un peu en dessous quand même. Et bah, j'attends de la finir. Mais faudrait que je la finisse. Qui est sur Netflix maintenant d'ailleurs. Tout à fait. Stranger Things saison 3 que j'ai trouvé mieux que la 2. Après, ça tombe. Stranger Things, il y a. Ça reste moins bien que la 1. Mais ouais, voilà, en fait, c'est pas mal. Si c'est plus la 1, il y a beaucoup de choses qui se tiennent plus. Je trouve que ça part trop en couille. Enfin, en fait, c'est une bonne chose. Un peu dans le bon sens, c'est une bonne chose d'élargir à chaque fois les problèmes, ce qui est normal. Mais ça, je pense que ça complique la crédibilité du truc. Et bah, je trouve que le 3 a un peu moins ce problème. On met du surcôté. Oui, j'ai vu. on est retourné sur une trame plus simple, je trouve. Ok. Ouais. Love, Death and Robots, c'est bien 2019. Oui, il me semble. Et Désenchanté, saison 2. Okay. Donc, moi, j'avais déjà bien aimé la 1. En fait, ça me fait rire, tout simplement. Ouais, t'es bien dessus quand même. Et donc, ton grand gagnant. C'est pas trop. Ah, pardon. C'est toujours moins bien que South Park, mais ok. Oui, bah après. le débat après, peut-être. Toujours moins bien que les vides aussi. Hein. Toujours moins bien qu'American Dad. Et ton grand gagnant du Laurent d'Or de série 2019 est. Mon grand gagnant du Laurent d'Or 2019 est Love, Death and Robot pour le. Parce que trop bien. La nouveauté. L'originalité, en fait, ouais. Voilà, l'originalité. Jamais vu. La diversité et. Il y a des meufs à poil. Franchement. Sur Netflix, franchement, elles sont bien à poil. J'ai pensé à cette série, mais je l'ai pas vu en entier. Donc je l'ai pas. Pareil. Il y a des épisodes que j'aime pas trop, genre celui de Hitler, il m'a rien. Et c'est ça l'avantage avec Love, Death and Robots, c'est comme c'est que des courts métrages en fait. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de tout voir. C'est un panier garni en fait. Ouais, voilà. Tu prends vraiment ce que tu peux faire. Et en même temps, ouais, voilà, je me suis fait un petit menu, hein, à la bonne franquette. Et non, il y a des épisodes que j'ai vraiment aimé, le premier déjà. Les deux premiers même. Oui, les deux premiers. On va tous les citer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le truc du vaisseau à la dérive, personne n'aimait. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Quand même. Ah oui, oui, il est horrible. Mais j'adore la fin. Mais ça m'a vraiment intrigué. Et voilà, quelques autres comme ça. Très bien. À vous. Toi, Manu, vas-y. Eh bien, moi, j'ai noté série 2019, Sex Education saison 1. Pas vu. Qui est très, très, très cool. Je trouve que ça se regarde très bien. La saison 2 est moins bien. On l'a dit. Je vous le dis. On m'a dit beaucoup de bien. Enfin, de la série en général. J'ai préféré la saison 1 à la saison 2, mais c'est une série très cool, ça se prend pas la tête, ça est décomplexé. Okay. C'est pas un truc pour ados, honnêtement, il y a des bonnes choses à entendre pour les jeunes et les vieux. Sur le cul, en plus, ça fait plaisir. Et voilà. Ça fait plaisir. Elle est tétée aussi, là. Il y a des meufs à poil aussi ou pas. Elles sortent couvertes. J'ai noté donc Stranger Things également, la série The Witcher, The Boys et The Mandalorian, que j'ai pas vu malheureusement, mais c'est le plus 1. Voilà. Très et donc, bien. Et ton gagnant mon gagnant est The Boys. Ah, mais putain, cette série est incroyable. Alors, je peux le dire maintenant, j'avais complètement oublié The Boys, mais j'ai adoré The Boys. J'aurais dû le mettre au lieu de Désenchanté ou quelque chose comme ça. Ah oui. J'ai grave kiffé. Ouais, je trouve ça trop bien. C'est trop cool. C'est. En fait, Enfin, vous connaissez mon amour pour les super-héros. Oui. Je me suis senti mal tout le long, tellement c'est incroyable, quoi. T'es une flippette pour moi. Non, mais vraiment. Oh. Non, mais c'est mal c'est dans le sens. C'est incroyable, cette série est incroyable. Ouais, c'est vraiment super. Effectivement, j'ai pas vu Mandalorian, mais j'ai vu Star Wars 9 deux fois. Ouais. mais ça va venir, ça va venir. Alors, mais... attends, avant de parler de The Boys, je vais faire ma liste, parce que c'est aussi mon gagnant The Boys. Mais, juste si je peux dire un truc avant, par rapport aux autres, pardon, que j'ai pas cité. Ah oui, vas-y, pardon. La série The Witcher, et je trouve très cool, tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve que ça se regarde très bien et que dire que c'est pas cool, ce serait quand même mentir un peu. Je pense qu'on peut être déçu, on peut avoir des attentes pas respectées, mais globalement, j'ai trouvé ça vraiment oui, cool. Oui, mais toi, t'es amoureux dans Kavil aussi. On fait donc un coucou à Baptiste et Théo Surac qui ont détesté. Mais en tant que fan de The Witcher ou... Non, en tant qu'ils ont jugé l'œuvre, ils trouvent que la lumière est dégueulasse, des trucs comme d'accord. ça. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je fais vite fait ma liste parce que moi, The Boys est grand gagnant, donc c'est un spoil, mais c'est pas grave. Ils ont le droit. Ouais, mais il n'y a pas de surprise, mais on reparle de The Boys juste après, du coup. Ma liste, moi, j'avais mis Mandalorian, évidemment, que j'ai vu, du coup, moi, et que j'ai adoré. J'ai mis Watchmen, qui est complètement folle. Elle aurait pu gagner, j'ai hésité, rien que visuellement, et le scénario est fou. J'ai mis The Umbrella Academy aussi, qui était super cool comme série. J'ai pas... Sans plus, quoi. Franchement, c'est cool. Ça se regarde très bien. Non, mais je l'ai vu, mais j'ai trouvé ça sympa. Ouais, mais c'est... ouais, t'as pas trouvé ça cool. Okay. Bon, c'est pas grave. C'est mon avis. J'ai bien aimé aussi. Et j'ai mis Good Omens aussi, qui était sur Amazon Prime. J'adorerais voir ça, c'est bien. Ouais, une série anglaise avec David Tennant et le mec qui joue en Tron Legacy. Voilà, là. J'ai oublié son nom aussi. Petite mini-série en fait. C'est pas Jeff Bridges. L'ange là. Si quelqu'un l'a dans le chat, s'il vous plaît, donnez-nous l'info. C'est une mini-série en 8 épisodes, je crois. Ça sera très vite. Et c'est très cool. C'est très anglais, faut aimer. Charlie Sheen. Tout à fait. J'ai pas vu Dark, moi. Non, j'ai pas vu la saison 1. J'ai vu la saison 1, moi, je crois. Mais il paraît que c'est vraiment bien. J'ai vu la saison 1, mais. J'ai vu Dark Shadow. J'ai pas envie de voir la 2. Ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, donc Good Omens aussi, très sympa. Ça change un peu. C'est pas grandiose de ouf parce que les effets spéciaux sont pas foufou. Je crois que ça. Ah ouais, d'accord, carrément. Les effets spéciaux. Oui. Bah, ils sont pas fous. Titans. Ça m'a pas choqué, moi. T'as saison 1. Ouais. Le tigre de Ah ouais, ouais. Non, voilà. Ça, j'avoue, c'est dégueulasse. Mais c'est des manques de budget, en fait, je pense. Mais après, voilà, c'est très cool. L'amitié entre Charlie Sheen et David Tennant dans Good Omens, c'est super cool. C'est trop mignon. Et voilà. Et donc, j'ai mis en grand gagnant The Boys, évidemment. C'est Charlie Sheen l'ange? Oui, c'est Charlie Sheen. C'est Charlie Sheen, ouais. Bah, écoutez, je suis Bobby. Mais Charlie Sheen, tu vois qui c'est? Oui, mais je pensais pas du tout que c'est lui. Bah, nickel. Je vais faire mes petites recherches. Et donc, The Boys, Tous les deux, on peut en parler tous les quatre. Ceux qui l'ont vu, en fait. Moi, je l'ai pas vu. Non, ça se regarde très bien, c'est très cool. Voilà. Et c'est original, pour une fois. Une série super-héros originale. Période d'essai Amazon Prime. Voilà. Moi aussi, exprès pour ça. Non, parce que maintenant, je peux plus. Parce que tu l'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Mais on attend la saison 2 avec impatience. Ouais, et d'ailleurs, elle est finie de tourner, je crois. Ouais, mais même ils ont mis un teaser et tout. Oui, j'ai vu un premier teaser. C'est Michael Sheen, c'est pas Charlie Sheen. Ça faisait peut-être partie de la saison 1. C'est peut-être un cut de la saison 1. C'est un peu des images. À mon avis. Oui, c'est pas Charlie Sheen, c'est Michael Sheen. Mais oui, je me suis trouvé. Il me semblait que c'était pas Charlie Sheen. Je me suis dit, c'est pas du tout Charlie Sheen. Michael Sheen, excusez-moi. Bravo, mais c'est la même famille. Ouais, c'est ça. Bravo. Puni de dessert. Voilà, The Boys, qu'on conseille évidemment. Alors attention, c'est un peu gore pour ceux qui craignent. Oui, c'est un peu. C'est carrément gore. C'est très violent. C'est très violent. Très violent, mais justement. C'est ce qui en fait, je pense, le fait que c'est aussi bien, c'est ancrer des super-héros avec des impacts réels sur ce qu'ils auraient dans la vie, en fait c'est ça. Avec justement. Ces sociétés qui s'approprient les héros, qui les vendent, tout ça. Qui en font des influenceurs. En fait, c'est ça. Les super-héros existeraient dans notre monde. Désolé, ils n'existent pas. Quoi? En fait, ça se produirait probablement comme ça. Oui. Et ils deviendraient probablement des enculés. Et c'est ça qui est trop bien. Zidane, c'est pas un super-héros? C'est un super-vilain. Passons. Votre silence. Il reste les séries de Benjamin? De Benjamin, ouais. C'est cela, oui. Eh bien, les nominés pour le Laurent d'Or, la meilleure série, déjà You. Parce que d'accord. J'ai parlé, et oui, You, c'était plutôt cool. J'ai passé un bon moment et vraiment suspense. You Born. le. Continue vite, coup. Le Prince des Dragons. qui est par le Prince of Dragons. C'est une série d'animation, c'est par le monsieur qui a écrit Avatar et la suite, la série animée. Avatar l'animé. Oui, l'animé, pas le film. Hein. Non, pas le film. Série écrite par James Cameron. Et c'est la même qualité d'écriture, donc c'est des personnages super bien développés. Et donc du coup, c'est pas Shyamalan. Qui avait fait le film Avatar. Non, pas cette horreur. Une autre série Netflix, Kingdom. Médiéval. Si, elle est en devant. L'image, on la voit souvent, mais j'ai jamais regardé. C'est en Corée, médiéval, zombie. D'accord. Ah oui, c'est bon. Je voulais regarder. Plutôt cool. Ma copine, non. Love, Death Robot. On l'embrasse. Oui, voilà. Parce que c'était vraiment trop bien. Et enfin, Tchernobyl. Ah oui, on l'a pas. Mais j'ai eu un doute parce que vous en avez pas parlé. Est-ce que c'est bien sorti en 2019? Oui, bien sûr. Mais moi, j'avais pas fini de la regarder en fait, c'est pour ça que d'accord. Moi, je l'ai pas regardé. Et ben, moi, tout simplement, mon Laurent d'or de la meilleure série, c'est Tchernobyl. Ah, vraiment. Très parce bien. Que j'ai trouvé ça. Bah, j'aurais pu mettre Love, Death, Robots aussi, je pense. Mais Tchernobyl, parce que j'ai trouvé le sujet super intéressant. En fait, on entend tout le temps parler de Tchernobyl, mais on sait pas comment ça s'est passé. C'est quand on regarde la série, bah, c'est minute par minute, on voit tout le truc et c'est. C'est dingue en fait. Et tu te rends compte que c'était fou. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Et juste visuellement, ça déchire aussi. C'est hyper violent visuellement. La musique aussi, je crois. Qui est très bien. Ouais, la bande sonore qui est hyper immersive. Je trouve qu'il y a beaucoup de séries où le dernier épisode de la saison est finalement pas si ouf. Tu vois, enfin, des fois, je trouve que t'as beaucoup. Tu penses à The Witcher, à Game of Thrones. Je pense pas. Bah, Game of Thrones, je me suis arrêté saison 4, mais il y a beaucoup de séries. Bah, à part The Boys, il y avait Game of Thrones. Du coup, ouais, mais là, le dernier épisode est pas si ouf. Et là, vraiment, ils envoient tout pour le dernier. C'est 6 épisodes et tu te prends tout dans la tronche. Enfin, nous, on a regardé la maison, c'était 3 épisodes la veille, 3 épisodes le lendemain, et paf, quoi. Ça se regarde d'un coup. C'était juste trop bien. Vraiment, une claque dans la gueule. Ouais, mais je suis d'accord. Ok, on passe au rendez-vous suivant qui sont les projets YouTube. Alors, un ami projet YouTube, ça peut être une chaîne YouTube tout simplement, ça peut être un projet de web série, ça peut être une émission YouTube, c'est plein de choses. Est-ce que quelqu'un a un chargeur universel que je peux emprunter? J'ai pas amené mon. J'ai un chargeur externe, mon gars, et universel. Est-ce que ça se branche? Ouais, mais j'ai pas mon petit câble. Mais moi je l'ai, on a la même connectique, USB-C. Comme tous les téléphones modernes. Non, justement, c'est de l'ancien. Eh bah, va te faire. Je suis bien. Tu l'as dans le baba. Je suis moi aussi passé à la modernité. De l'USB-C en fait. Moi j'ai un iPhone. Ah oui, merde. Bon bah peut-être que le stream se coupera dans pas longtemps. Juste mon. Et puis je te donne tes recos. Bah je commence alors. Bah comment tu alors en projet YouTube, j'ai mis L'Effondrement qui est une web série incroyable. On en a déjà parlé avec Jules, mais très folle de la chaîne Les Parasites. J'ai mis Amateur, qui est une série de vidéos un peu documentaires. Une catégorie YouPorn aussi. Hein. Amateur, tout à fait. qui a été sur la chaîne de JQ Originals. C'est une série en fait réalisée par Ludoc de Studio Bagel. Le pitch, en gros, c'est un gars qui avait fait Koh-Lanta d'ailleurs, un mec plutôt sportif, pas tant que ça en fait, vous allez voir, qui en fait a décidé de partir apprendre la boxe thaï en 5 jours je crois, et il n'a jamais fait de boxe de sa vie, et il est parti en Thaïlande pour faire ça, et pour faire un vrai combat de boxe à la fin de la série, et ça se fait en 5 épisodes je crois, donc on le voit apprendre la boxe thaï là-bas avec des Thaïlandais sur place, et c'est juste fou, c'est super bien produit, je vous conseille de regarder Amateur, c'est vrai que j'en avais jamais parlé je crois dans le podcast. C'est un peu documentaire, mais c'est très bien monté, et c'est Ludoc, donc n'hésitez pas. Et niveau sport, il est comment sur 10? Sachant que moi, je suis à 8 sur 10. Alors, lui, il commence très bas. Et même ses coachs, enfin, tout le monde, tout le long de la série, lui disent « Tu vas jamais y arriver, tu vas mourir, parce que la boxe thaï, c'est ultra violent. » On n'est pas tous égaux face à la nature. Et je vous spoil pas la fin, mais... La blatte. Voilà. La terrasse chauffée. Ensuite, j'ai mis Gus de Jérémy Detlow, qui est une web série. Putain, t'en avais des trucs. Ouais, j'avais pas mal de trucs. C'est humoristique, c'est pas celle qui gagne, je vous le spoil tout de suite, mais c'est sympa, c'est frais, c'est cool, c'est. Bon, alors c'est qui gagne? Attends, j'ai ensuite mis Abonne-toi de Yes Vous Aime, qui est pareil, une web série très bien produite aussi, très sympa. Et j'ai mis les vidéos Les Français savent-ils rapper de Anis, qui est. Il en a fait 3 pour l'instant. C'est des vidéos où en fait il va dans plusieurs villes de France. Il a fait Paris, Marseille je crois, et Lyon récemment. Et en fait il va dans la rue et il demande juste aux gens de rapper. Et très bonne surprise à chaque fois. C'est très cool. Même arrête, si je arrête pas, de faire genre, c'est l'effondrement qui gagne. C'est l'effondrement qui gagne. C'est carrément l'effondrement. Ouais. Voilà, l'effondrement des Parasites. C'est incroyable. C'est Canal+ qui produit et c'est fou. C'est un bon choix. On en a déjà parlé. C'est un plan séquence chaque épisode. Et voilà. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Ouais. À vous les gars. Moi j'ai pas grand chose, un truc internet. YouTube, je regarde ça plus comme des petites chaînes par-ci par-là. Ouais. En projet, je crois que 2019, je pense qu'on est à peu près bon. L'émission Bad News de Davy Mourier et de notre copain Thomas Combray. Qu'on embrasse. C'est cool, c'est toutes les semaines. Là, ils ont fait un truc à Noël, il y avait des vidéos tous les jours. Ouais, le Bad News de l'avant. C'est ça. Ça fait plaisir, ça se regarde bien, c'est pas prise de tête. Ouais. Davy Mourier, c'est un mec trop cool. Moi, je suis trop fan des BD qu'il fait. Et du coup, voir qu'ils font des trucs, en plus avec Thomas qui a déjà joué dans Crème Fraîche et tout ça, c'est trop cool, quoi, c'est les copains. Donc ça fait plaisir, voilà. Et alors, c'est pas vraiment un projet YouTube, c'est vas-y, un peu un truc jugera. Internet, mais il y a eu beaucoup de YouTubeurs cette fois-ci, vas-y. Et c'est facile, du coup, c'est le Fantax You le The Event 2019. Ah, oui. Oui, putain. The Event 2019 qui a pas pensé. C'était un peu c'était tous les YouTube. C'est pas que YouTube, mais il y avait quand même la star de YouTube, enfin les stars de YouTube dedans. Il y a la star Squeezie, le gros panier, le gratin de YouTube. Petite anecdote, j'ai acheté un t-shirt The Event 2019. Ah oui. Mon colocataire aussi, le mien est arrivé 3 mois après l'émission, le sien une semaine après. Ah d'accord. Petit problème de shipping. 10 minutes près, c'était bon. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai une taille au-dessus de lui, niveau t-shirt. Non. Ça fait mal. Personne a dit ça. Mais très beau projet, je suis d'accord. Ouais. Et puis 3,5 millions de. Oui, oui, voilà. Ouais. Oh, et non, moi j'ai que ces deux-là. C'est plus que le Tipeee du coup. Et du coup, forcément, ça part, même si on aime les copains, ça part pour le The Event. Un projet formidable. 3,5 millions. Ouais, putain. C'est fou. Pour une asso, c'est fou. C'est juste incroyable. Ouais. Très beau projet. On a du pouvoir, on peut faire de grandes choses. Quoi. Du pouvoir. Ça implique de grandes responsabilités. Voilà. Hein. J'ai un t-shirt fait dans un sweet spell. Benjamin, petit projet. Mais du coup, on a eu, c'était le Z-Event le plus gros. Oui, lui, c'était le Z-Event. On gagnait avec le Z-Event. Moi, dans les nominés, tout simplement, effondrement. Ah, parasite, parce que c'est vrai que vu la qualité de production et la qualité juste de l'histoire, comment c'est mis en scène, c'est juste fou en fait. Mm-hmm. C'est vraiment top qualité. Le Z-Event. Ah. Parce que c'est quand même l'événement de l'année, je pense. On peut pas passer à côté. Tous les ans, c'est l'événement de l'année. Ça, c'est ça. C'est que tous les ans, tu reviens et c'est encore mieux. Mais je pense que l'année prochaine, ça va peut-être se calmer du coup. Du coup, j'étais sur mon deuxième. Là, je passe au troisième nominé. Tout simplement, la chaîne du Vortex. On en a parlé. Les pyramides. J'ai parlé. Vortex et Minus, moi, j'allais dire. Minus et Vortex, pardon. Mais qui, pour moi, en fait, a fait mon année 2019 parce que c'est plus ou moins là. Je crois qu'ils ont commencé. Je sais pas s'ils ont commencé un peu avant. Pour rappel, c'est un regroupement de youtubeurs de vulgarisation, en gros. Hein, y a Patrick c'est Beau, une fausse coloc qui font une sélection, de vulgarisateurs sur Internet. Souvent, ils vont chercher des gens un peu différents, qui vont faire soit de la philo, soit des maths, soit de la bio, soit des trucs assez un peu différents. Mais ils peuvent faire comme ça des épisodes un peu transverses. Et là, ils sont passés pour la saison 2. Ouais. Saison 2. Ils ont changé de youtubeurs. Voilà, des nouveaux intervenants où ils font toute une session. Et ce qui est hyper bien, c'est qu'en plus c'est interactif, il y a un Discord qui est disponible pour discuter avec les créateurs quand il y a un épisode qui sort. Je sais pas, d'accord. Donc c'est vraiment super cool pour ça, et pour moi c'est un des gros projets. En plus c'est Arte qui met les mains dedans et qui produit le truc, donc quand la télé vient produire des trucs aussi sympas, ça vaut vraiment le coup. Ça dépend des fois, mais ils sont toujours dans les bons coups. Des fois ça marche. J'avais envie de parler pour rire un coup de Dans ton corps. Avec son projet de tatouage de Cyril Hanouna sur les fesses. C'était en 2019 ça ? Ouais. Bah c'est surtout que j'ai vu l'épisode, le dernier épisode qui est sorti il y a 2-3 jours où on voit qu'enfin il se sera débarrassé de Cyril Hanouna sur ses fesses depuis 3 ans qu'il avait. Belle, hein. C'est ça. Mais ça fait quoi ? Ça fait et il va faire le bilan bientôt je pense de combien d'argent, de temps, de souffrance il a passé là-dessus. Je crois qu'il ça va être assez important. Il doit être à 18 ou 19 séances de détatouage. C'est fou. Le fou. À la plage en plus. Pour un tatouage simple, hein. Juste un contour, c'est pas un tatouage avec des ombrages, des machins. Un petit peu épais, ils ont mis la dose d'encre. Évidemment. À la plage, faut se le taper, Cyril Hanouna sur le cul. Il va avoir un cancer de après, la peau sur les fesses. Sur la plage, t'as ton maillot de bain, à part si t'es sur une plage nudiste. Oui, puis peut imagine, il est en slipe. Ouais, mais sur le slip, on voit. Docteur Slip. Et du coup, mon dernier nominé, alors j'hésite parce que j'ai fait une liste un peu plus longue, mais je vais mettre. Allez, Mystère Saint-Jacques. Parce qu'on a eu pas mal de séries audio, je trouve, sur les dernières années, puis peut-être l'année d'avant. Ouais. Et moi, je me suis vraiment, je me suis marré, mais d'une force dessus. Il y avait des intervenants qui sont qui me plaisent plus que d'autres, qui sont plus drôles oui, que d'autres. Ça dépend. Oui. Mais la course de canoë, là, la course de, oui, de pédalo. Oui, de pédalo, ouais, c'est juste incroyable. C'est bien rigolé aussi. Moi, j'étais mort de rire. C'est... Des fois, on lâche un peu certains épisodes, mais c'est vraiment drôle. Mm. Du coup, je conseille vraiment. Mais du coup, le projet que j'ai préféré, je crois que c'est le Vortex. Très bien. C'est un petit rajout, mais c'était pas 2019. Le podcast de Ken que j'en dis un, bon oui, moment, un bon moment qui est sorti récemment là. Ouais, c'est il très très 2020, cool ouais. Voilà, ouais. Mon conseil ouais, il très bonne bon ambiance le 2 On enchaîne un petit peu plus vite, Jules, je te laisse parler de tes projets YouTube. Très bien, je vais enchaîner très rapidement. Le top 5 de mes projets YouTube, les nominés sont le top 4 pardon de mes projets YouTube, les nominés sont Yes Vous Aime avec Abonne-toi aussi parce que c'est très bien écrit et c'est assez drôle. Et ça témoigne un peu aussi avec Clément, on aimerait bien se faire une place sur YouTube un jour. Mais il faudrait déjà qu'on sorte des choses. Et Léonore Coste avec Jean Rumaine, c'est très simple et c'est super bien humaine. Allez, on enchaîne. Devinez quoi ? Les Parasites avec l'effondrement. Parasite, voilà, ouais. Parce que vraiment c'est complètement ouf et j'ai même pas encore fini la série pourtant, j'aimerais bien, je me tâte à acheter la série. Il y a un Parasite audio d'ailleurs en ce moment. Blablabla. Qui c'est qui a un message ? Attention. Non, moi je suis en avion. Tac. Je vais mettre en mode avion. Bref, ouais. Et c'est la première série depuis longtemps où je m'étais dit putain mais faut trop que je vois la suite maintenant quoi, et ça m'avait pas fait, j'avais pas eu ce besoin depuis longtemps, sauf qu'après fallait que j'aille bosser. Et enfin, dernier nominé est Edward avec la saison 2 de Rétro Découverte. Ah, je mets ça que j'avais déjà recommandé dans le numéro 1, oui, je crois. Peut-être. Je crois que c'est dans le 1 où tu étais là, Manu. Saison 2 de Rétro Découverte, donc, qui a été financée par un Ulule, dont où j'ai participé, mon frère aussi, et donc ça fait d'autant plus plaisir, surtout qu'il a sorti des épisodes géniaux sur des personnages qu'on aime bien et des jeux tout à fait fascinants. Et ton gagnant est... Mon gagnant est les Parasites avec l'effondrement. Ouais, c'est vraiment énorme et c'est au-dessus de tout ce que énorme j'ai sec. Vu. Pour la qualité internet. Énorme et sec. Une prod sur internet, c'est vraiment. Ouais. Ah, c'est pas c'est que clair. Sur internet justement. C'est, non, c'est voilà, c'est pour la télé, mais c'est arrivé sur YouTube et. Mon Dieu, ce que c'est bien que ça soit sur YouTube. Immense respect. Immense respect. Voilà, bravo les Parasites. On enchaîne avec les jeux vidéo de l'année. Moi j'en ai pas 5. Qui commence ? Bah vas-y Benjamin, commence. Alors ça va être une sélection complètement pétée et pas complète. Vas-y. Alors j'ai Monster Hunter World Iceborne que j'ai même pas acheté l'extension. Je vous parle de quelque chose que je n'ai pas joué, mais en fait j'ai juste fait tout le jeu avant. Ok. Et je sais déjà que ce sera une tuerie en fait. Dès que je vais la voir, ça va être des heures et des heures de jeu. De fun. J'ai très envie de tester. Et c'est vraiment Monster Hunter World. C'est fini The Witcher 1 avant. Alors le mec spoil un peu, mais continue, vas-y. 2019 pour moi ça a aussi été surtout la découverte de The Witcher en fait, tout simplement. D'accord. Ah bah c'est pas 2019. C'est pas 2019. C'est attention, pas 2019. Parle de je 2019. Triche totalement. Ah et bah, moi, si je peux tricher alors. Parce qu'en fait je ne joue pas forcément des jeux récents, mais plus à des jeux vieux que je vais aller chercher parce que bah je les ai jamais fait. Moi aussi, exactement pareil. Et du coup The Witcher 1 que je vais finir bientôt. Très bien. Et sinon bah vu que j'ai pas beaucoup joué à des jeux récents, bah Overwatch en fait. Bah du coup la mise à jour de 2019 Overwatch. D'accord, bah non. Mais il triche un peu. Je triche complètement. Il a vu lui passer les oreilles, il a un casque, on peut pas. Je le fais sur moi du coup. Et toi alors pardon ton Laurent. Pour moi mine de rien ce serait Overwatch en fait. C'est incroyable, il mérite bien Laurent d'or qui est pas de 2019. C'est pas la dîme. C'est le genre de jeu, c'est tous les ans ça revient et en fait ça marche pas bien. Ok. Bah Paladine c'est gratos, c'est pareil. À toi Manu en classe. Ok, bah moi j'ai 4 jeux plus 1 que j'ai pas fait. Celui que j'ai pas fait c'est Disco Elysium. Non, mais tout le monde triche, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais. Il triche depuis le début lui. Il a l'air très très bien, j'ai essayé, mais j'ai pas le niveau d'anglais pour comprendre. Je vais attendre qu'il y ait une traduction au moins sous-titre parce que c'est beaucoup trop complet. C'est un RPG tellement complexe que si tu veux. Si t'as pas un bon niveau, je veux dire, moi je suis obligé d'ouvrir le dico à chaque mot, c'est compliqué. Sinon, Pokémon Bouclier que j'ai fait il y a pas longtemps, qui je vous spoil tout de suite, est pas le gagnant parce que bon, faut quand même pas abuser, c'est pas si ouf. Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, j'ai pu l'essayer celui-là. Que j'ai commencé, je l'ai pas fini, mais c'est très bien, c'est une très bonne surprise. D'accord. Et surtout vu la pub qu'en était faite au début, je trouve que le jeu s'en sort très bien et c'est enfin un jeu Star Wars qui solo. Fait vraiment plaisir. Un jeu solo. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on demande, c'est où en fait on se rend compte que ce serait pas Star Wars, ce serait pas pareil. Le jeu n'invente rien, c'est des trucs de plein d'autres jeux qui fonctionnent bien, mais c'est juste des putains de décors Star Wars bien faits. Ouais. Et t'es fou, tu te balades sur une planète, t'as rien. trois mobs et en fait t'es content, t'as juste envie de t'arrêter devant ton vaisseau, de faire des espèces de panoramas avec ta caméra, c'est juste trop bien. Dicey Dungeon, un petit jeu indé, un petit roguelite avec des dés, très sympa, j'ai passé un peu de temps dessus, c'était plutôt cool. Et Teamfight Tactics. Titan saison 2. Qui est un jeu qui est sorti en 2019, c'est sur le launcher League of Legends. C'est un Riot Games. Riot Games, c'est le comment ça s'appelle, c'est un mode, un auto chess. C'est un espèce de mode, c'est l'auto chess. League of Legends. Depuis que j'ai découvert ça, je passe beaucoup trop de temps dessus. Et c'est très addict et très très cool. Et franchement, attention à Riot parce qu'ils ont un peu le vent en poupe aussi en ce moment. Je pense que ça va barder. Ils vont peut-être faire frémir quelques-uns avec tous leurs jeux qui vont sortir. Pas forcément parce que ce sera dingue, mais au moins eux ils font des choses. Et ils se bougent le cul, donc il y a moyen que... Les bandes d'annonces qu'ils mettent, les cinématiques, ils vont envoyer vraiment des lourds. Cool. Et du coup, mon Laurent d'Or, c'est Teamfight Tactics. Très bien, d'accord. Très dur à dire. Je me pencherai dessus, personnellement. Pour ceux qui aiment League of Legends ou pour tout le monde? Non, pour tout le monde, justement, pour ceux qui sont plus dans... C'est l'univers League of Legends, donc c'est très travaillé, c'est très cool. Il y a des personnages, du lore... Mais c'est de la stratégie, quoi. C'est très, très, très cool. Le jeu tient debout tout seul, quoi. Très bien. C'est ça. Ok, ça marche. Moi, j'en ai vite fait trois. J'ai mis Planet Zoo, en fait. Allez, Zoo. Non, mais c'est... Allez, pour le dire en anglais. Planet Zoo. Ce serait génial comme jeu. Qui est un jeu de gestion de zoo, fait par ceux qui avaient fait Planet Coaster. J'ai mis Just Cause 4, qui est de décembre 2018, mais bon, comme eux, ils trichent carrément. Attends, j'ai pas tant triché que ça. Vous êtes en train de me chier sur la gueule. Il est sorti fin décembre 2018. Je mets Smash Ultimate alors, novembre 2018. Bon, c'est bon. Et j'ai mis enfin Apex Legends, et mon grand gagnant, c'est Apex Legends quand même, qui est sorti en début de 2019 et qui m'a fait kiffer les jeux de... Battle Royale. J'ai beaucoup joué tous les deux. J'étais perdu. Beaucoup d'heures de jeu dessus. T'avais jamais accroché avant J'avais pas vraiment joué à ça, en fait. Après, si, on avait fait vite fait un peu de... PUBG. Mais celui-là remonte vraiment le niveau, et très original, justement, en servant des bases du Battle Royale, mais en rajoutant tellement plein de choses. Très beau aussi, ce jeu, et gratuit, donc super. Oui, c'est vrai, ça. Voilà, à toi Jules. Et moi je sais pas du coup si je peux mettre Super Smash Bros Ultimate qui est de novembre 2018, mais en soi j'ai deux... Je le cale en parenthèse. Super Smash Bros Ultimate, ma licence préférée du jeu vidéo avec Batman Arkham. Super Smash Bros Ultimate, Ultimate comme son nom l'indique, trop bien. Qui me permet d'être à la page puisque j'ai une Switch. Enfin, elle est pas moi, mais bref. Sinon, top 2 de jeux vidéo, okay. dont un est gratuit et l'autre coûte 1€. Donc ce que j'aurais dépensé en 2019 en jeu de 2019, c'est vraiment 99 centimes sur le Nintendo eShop. Très bien. Ces deux jeux sont Coloro, que j'ai acheté 1€. Coloro, ça s'appelle. Et en fait, t'es un petit carré. Et en fait, le jeu se joue que avec la touche A. T'avances tout seul et tu dois juste sauter et rebondir. C'est très poétique. Okay. C'est assez beau et en vrai, c'est dur. Et c'est pas mal pour 1€, franchement, c'est bon investissement. Je m'attendais pas du tout, j'ai juste vu un jeu à 1€, j'ai fait bon, allez, nique sa mère. Et bonne surprise. Très bien. Et voilà. Apex Legends ensuite, que Clément m'a fait installer. Et on a beaucoup joué tous les deux. Moi, j'ai lâché un tout petit peu plus tôt que toi. T'as lâché un peu plus tôt. Et quand même, qui apportait des bonnes mises à jour, quoi. Ils ont su contenter le public au fur et à mesure, pas juste en ajoutant des persos, mais en faisant des nouvelles maps, des nouveaux modes. Ouais, ça s'est pas essoufflé en fait, pas trop. Là, ça commence à s'essouffler un peu maintenant. Ouais. Il y a des chances qu'ils vont revenir avec d'autres trucs. Mais donc, Apex, c'est vrai que tu te lances dedans, tu apprends vite les armes, enfin vraiment, tu tout devient assez... Il y a moyen de s'amuser assez rapidement en fait, sans être un pro. En fait. Tout devient assez intuitif, quoi. Tu passes un petit peu de temps à connaître les armes, etc. Mais vraiment... Le jeu de l'année pour moi. Et donc c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. C'est jeu Apex de l'année aussi. Pour moi, très parce bien. Que déjà gratos en plus. Ouais, voilà. C'est quand même pas négligeable. Et ça marche très bien, les personnages sont cool, franchement, respect. Très bien. On enchaîne assez rapidement sur les albums de l'année, si vous avez écouté des musiques. Ouais. Et là, long silence. Ça va être assez beau. Moi, c'est un top 4. Moi, j'ai un top 5 quand même. Bien. Ah, qui commence ? Je crois que je vais passer totalement mon tour. C'est vrai, t'as rien? Ah, j'ai absolument rien. T'as pas écouté d'album de 2019 après? Des trucs plutôt plus vieux, voilà. D'accord, bah moi, voilà, ça a été un peu dur d'en trouver, mais j'ai quand même trouvé plutôt. J'en ai trouvé 5, donc c'est cool. Mais oui, après, c'est normal. C'est vrai que je me suis dit, la question est un peu compliquée parce que moi aussi, j'ai souvent tendance à écouter des trucs un peu plus vieux. Et en fait, enfin, parce que j'ai fait mes recherches un peu, parce que même si j'ai pas beaucoup écouté d'albums, je me suis quand même dit, je vais regarder, peut-être qu'il y a des choses que j'ai au moins écouté, une musique, un truc. Et en fait, bah. Pour mes goûts à moi, l'année 2019, enfin même 2018 était vraiment mieux, d'accord. Je trouve. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Jules, je te laisse commencer du coup. J'ai mis des trucs en termes d'album, moi l'année 2019 a été mieux. Alors, vas-y, on te laisse commencer. Les nominés sont Weezer avec le Black Album, Weezer que je vais aller voir le 22 juin. Dont t'es très très fan. C'est original ça, Black Album. Oui, bon, ça n'a jamais été fait. C'est les petites voix sur les. C'est qui a fait le Black Album? Metallica, CDC, Laurent Voulzy. Probablement. Jimmy Eat World avec Surviving, Bring Me the Horizon avec Amo et The Raconteurs avec Help Us Stranger. Et le grand gagnant est Jimmy Eat World avec Surviving. Vous connaissez pas ce groupe, mais moi c'est un groupe que en fait j'entends des chansons depuis longtemps en fait sans savoir que c'était ce groupe. Ok. Et du coup en fait ils ont sorti un clip, je me suis dit bon je vais l'écouter et genre coup de cœur total. La chanson je l'écoute pendant un mois et puis un album puis deux puis trois puis quatre. Et voilà et en fait comme c'est cet album qui m'a ouvert la porte et qui est super et ben je les mets, ils sont vraiment dans mon cœur et ils sont très très talentueux. Voilà, Jimmy Eat World. Je connaissais pas du tout. On ira prêter une oreille. Oui, bien sûr. Et toi alors Manu, ta petite sélection? Alors, en fait, c'est pas vraiment ma sélection à moi, c'est plus des trucs un peu par-ci. Il y a probablement un peu de triche du coup. Ah, tu t'en vas pendant ma sélection? Ah, super. Il réécoutera. Peut-être deux fois plus. La musique qu'on a tous entendue, on sait pas trop pourquoi. Tout le monde l'aime, personne ne l'aime un peu. C'est... Bad Guy de Billie Eilish, ouais. Que on a tous entendu en boucle. Ouais. Alors j'ai vu des screens partout sur internet, je l'ai vu sa tronche partout, je n'ai pas entendu ce morceau. C'est assez balèze parce que tu l'entends sans vouloir. Ou alors si je l'ai entendu, je ne l'associe absolument pas à sa tête, donc je ne sais pas du tout. Sinon, en termes de vrai album, moi j'en ai un. C'est le dernier album de Rammstein qui est sorti en 2019 du coup qui s'appelle Rammstein je crois en tout cas qui s'appelle Rammstein tout à fait et je dis pas ça parce que je l'ai dans ma liste où j'ai vraiment pas j'ai pas tout écouté dessus mais je sais que c'est vraiment bien. Les clips de Rammstein sont incroyables. Ah oui, vachement fait parler de lui celui-là. Celui de Radio est grave cool. Il y en a un autre aussi où il y a une ambiance un peu médiévale et tout. À chaque fois, ils se font vraiment plaisir. C'est vraiment très cool. Par contre, c'est juste si vous aimez Rammstein, regardez les clips, ils sont vraiment trop cool. Mention chelou à la musique, le feat qui n'a aucun sens, qui est le feat. La musique s'appelle Rest de Maître Gims et Sting. Quoi ? Ce qui n'a rien à voir. Petite. Je tiens juste petit aparté comme ça, Sting, que maintenant je peux le dire, j'ai officiellement rencontré pendant 5 jours sur le tournage d'un certain film. Ah, et qui a fait un clip avec Maître Gims aussi. Oui, justement, c'est pour ça. C'était le feat le plus chelou de l'année. T'as parlé de Laurent Voulzy déjà dans ton top? Non, pas encore. Mais j'étais en train de me la péter en disant que j'ai rencontré Sting. On en parlera à la fin de l'émission. Bah c'est pas pour crème fraîche, hein, Sting, non, calmez-vous. Hein. T'imagines? On tease un peu comme ça. T'as dit le film ou pas? On en parle à la fin de l'émission. D'accord, t'as pas mal. Ok. Et voilà, et donc c'était un peu mon. Et voilà, s'il y avait eu, si on m'autorise 2018, mais je sais plus c'est en quel mois, le dernier album d'Orelsan était très bien. Oui, je suis d'accord aussi. Et ton gagnant est. Bah, du coup, Rammstein, oui. Vu que c'est le seul vrai album que j'ai mis. Oui, bah, du coup. Très bien, alors moi, c'est rigolo parce que je croyais qu'on avait la même liste presque. Parce que d'abord, j'ai mis Billie Eilish avec When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Je connais pas le nom de l'album. C'est un album qui est méga long en fait, heureusement je l'ai noté. Du coup, ouais, il y avait Bad Guy dedans, mais il y avait d'autres chansons qui sont vraiment bien. Je vous invite à découvrir l'univers de Billie Eilish parce qu'on a l'impression que c'est genre ultra commercial, bah, comme Bad Guy en fait. Mais ce que je me disais. Ouais, et en fait, il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. Et elle a un univers assez fou. Et ça change de... c'est vraiment très original, en fait. Voilà. D'accord. C'est peu commercial, en fait, le reste. Tu m'as monté d'un coup, je me suis entendu très fort. Je regardais les courbes. mais c'est là qu'il faut regarder. Ta belle courbe. C'est vrai. Voilà, donc très original. Je vous conseille de découvrir Billie Eilish si vous ne connaissez pas. Si, comme tous les boomers, je vous conseille les chats, vous dites que c'est juste une gamine qui chante et qui va surtout faire la chanson de James Bond, du prochain James Bond. Donc c'est très stylé. Elle a seulement 18 ans. Elle est aussi là. C'est elle qui a fait la musique d'un film qui est au ciné en ce moment ou qui arrive, un film qui a pas l'air terrible. James Bond. Non non, avec c'est un truc de d'espionnage, un peu espionnage avec des femmes ou je sais pas. James Bond. Non, ah, c'est vraiment le truc. Long, c'est ah les, oui. C'est des personnages avec Margot Robbie et. C'est ça, Margot ouais, Robbie et tout. Plus, ah. Et c'est elle qui fait elle, du coup. C'est. Charlie's Angel. C'est pas elle qui fait la musique du film. En tout cas, ils ont pris ses musiques en bande son du film. C'est le truc là, scandale là. Oui, scandale en anglais. Je crois qu'il s'appelle scandale. Je vois pas du tout ce film. Ensuite, j'ai mis donc Rammstein de Rammstein. Ah, album d'accord. Assez fou aussi. On s'y attendait pas. J'ai pas tout écouté, mais des très bonnes musiques, très bons retours de Rammstein. Ensuite, j'ai mis Joshua de French 79. C'est de l'électro. Je vais aller le voir dans deux semaines, je crois, en concert. C'est super frais pour ceux qui aiment l'électro. Et j'ai enfin mis numéro 6, Collaboration. Numéro 6 titre, c'est un mec dans Mission Cléopâtre. De Ed Sheeran, qui est un album ultra. Enfin, j'écoute jamais du Ed Sheeran. Et c'est un album comme. Non, jamais. C'est un album en fait où il est en feat avec Eminem sur un des morceaux. Il est aussi en feat avec Bruno Mars. Il est aussi en feat avec Skrillex à un moment. Il fait c'est... plein de feats comme il ça. Il chante, il fait. Et en fait, c'est très inattendu de la part d'Ed Sheeran parce qu'il se sert un peu de leur style à chacun. Et notamment la chanson avec Bruno Mars que je vous conseille, qui est super rock en fait, mais vraiment rock de ouf. Parce qu'ils l'ont fait aussi en feat avec un mec qui fait de la country. Et c'est fou. C'est juste. On dirait pas du Ed Sheeran en fait. Et donc cet album est très très bien, ça change de Ed Sheeran en fait, de d'habitude. Voilà, et mon grand gagnant, c'est vrai que je l'ai pas décidé, donc je vais mettre Rammstein aussi quand même, parce que sacré gros album quand même. Bah oui, forcément. Bah stock, voilà. Tu t'es fait influencer je pense. Hein. Non, je suis en deuxième, j'aurais mis Joshua de French 79, mais comme vous connaissez pas, je... Voilà. Je l'ai mis, on s'en fout, c'est pas pour nous le top. Bah j'aurais mis ça en deuxième. Bon bah je change. Un ex aequo. Voilà, on a fini les Laurents d'Or, putain, je vous le mets une dernière fois la petite musique. Ah oui, ça je la veux par contre. C'est la fin des Laurents d'Or 2019. Merci d'avoir suivi les Laurents d'Or 2019. Merci Laurent. C'était les Laurents d'Or. On se retrouve l'année prochaine pour les Laurents d'Or 2020. Avec Gédina Charouin. Vous reviendrez pour les 2020 ? Oh bah ouais. Allez, l'invitation est prise. Avec Triba. C'est les sponsors. Le double vitrage chez vous. On continue le sujet sur l'année 2019 assez vite. C'est un peu plus perso, on va dire. Je te laisse y aller, Jules. Messieurs, quel est le truc génial que vous avez découvert en cette année 2019 ? Benjamin, à toi l'honneur. The Witcher. C'est la meilleure découverte de l'univers. Série dans jeu. Ton micro, pardon. La série de jeu, pas la série. La série de jeu, en fait, tout simplement. The Witcher 1, clairement une découverte. Pour la petite anecdote. Je leur en parle depuis des mois. Pour la petite anecdote, avec mon coloc, et donc on est amis tous ensemble. Et en gros, on n'arrête pas de lui dire de jouer à The Witcher 3. Ouais. Et lui, il s'est mis en tête de faire le 1, puis le 2, avant de faire le 3. Gros, ce qui est fou. Et surtout, il joue tellement peu. Qui va mettre 10 ans à finir, alors, c'est pas grave. À arriver au troisième. Mais c'est pas grave, mais il y a d'autres jeux qui vont arriver. Et il prend du retard sur d'autres jeux qu'il doit faire. Mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Parce que les doublages français, parce que l'écriture The Witcher. On y reviendra. Et si, vraiment, c'est incroyable. En fait, je suis tombé dans un univers que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert totalement en 2019. Et du coup, pour les gens qui ne connaissent pas, ce qui, à mon avis, je pense que j'étais le dernier en fait. C'est vraiment le meilleur truc que j'ai découvert cette année, avec peut-être ça et un voyage au Japon vite fait, mais bon, ça c'est un détail. Ça, il est fan. Ah, voilà. Sacré truc, voyage au Japon. Oui. Ah oui, c'est pas mal. Petit voyage tout seul, deux semaines au Japon. Bah, dis donc. Ça fait plaisir. Tout seul en plus. Ouais. Non, c'est cool. Est-ce qu'ils sont comme dans Tintin? Ils sont beaucoup plus jaunes. Oh merde. Ils sont beaucoup plus mesquins. Ils sont beaucoup plus méchants et égoïstes. C'est bon. À qui? Je vous propose de continuer par moi parce que le truc trop cool que j'ai découvert cette année, c'est The Witcher 3 Wild Hunt. Parce que mon frère me l'avait beaucoup conseillé, et effectivement, c'est en fait The Witcher, c'est aussi bien qu'on le dit. Quoi. Effectivement, les dialogues, bon, l'histoire déjà, mais les dialogues en fait, et comment dire, les visuels pendant les dialogues aussi, ça fait pas genre, c'est pas comme Skyrim, c'est pas PNJ stoïque. Ils bougent, ils on dirait qu'il y a un jeu, enfin il y a vraiment un jeu d'acteur, tu vois. C'est sorti après Skyrim quand même, donc. Oui, mais c'est sorti que 4 ans après en soi, et, tu vois. Ouais. Oui. Et puis bon, Bethesda, on sait aussi que c'est un peu des bouchers, ils font pas dans la finesse. Ouais. C'est pas ce qu'ils intéressent. Et non, The Witcher, enfin c'est trop bien de bout en bout, c'est juste assez de magie. Moi en plus qui adore genre les contrats chasse de monstres en fait, c'est tout con, mais J'adore ça et aller découvrir des créatures et les défoncer. C'est ce qu'est Heroic Fantasy un peu aussi. Non, c'est vraiment le truc chasse de monstres, tu vois. Aller découvrir des créatures et les tétanés s'il faut, mais tu vois, les étudier, machin. Les tétanés, t'as dit ? Les tatanés. Les tatanés. Tu leur donnes le tétané. Les tétonés. Leur mettre des petites claques. Exactement. Je savais pas que c'était ça le jeu. Et donc, voilà, The Witcher. The Witcher, c'est ma plus grosse découverte vidéoludique de cette année avec Cuphead que j'ai acheté il y a 4 jours. Très bien, Cuphead. Voilà. Et toi, Manu ? Alors moi, c'est pas vraiment. Enfin, j'avais pas vraiment pris la question comme ma découverte de l'année pour moi. J'ai pris ça comme la découverte pour moi de l'année 2019. Et c'est Angèle. Et j'ai mis la photo du trou noir. C'est un album Angèle. De Tintin. Oui, et moi, j'avais trouvé ça ouf en fait. Comme truc. Enfin, c'est. Ça fait des années qu'on voit des films où on voit cette image du trou noir. Je suis tellement d'accord avec Céline, je suis désolé. Non, non, mais on en parle après. C'est le comeback de Minecraft, c'est ça ? Non, le coronavirus. Attends, et d'ailleurs, en parlant de trou noir. Trou noir dans Fortnite aussi. Ah oui, mais best moment aussi. Mais ouais, tu parles vraiment aux jeunes là. Hein. Trou noir, Fortnite. C'est pour toucher tout le monde. On dit Fortnite, hashtag Fortnite. 50 spectateurs. Les gilets jaunes. Mais c'était le genre de. Enfin, en gros, c'est le genre de truc qui, je trouve. Je sais pas, ça, on a peut-être pas assez parlé. Ça a un peu mis tout le monde sur le cul. De voir une vraie photo de ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment cool, je trouve. Super. Il s'en bat les couilles. Non. J'essaie d'enchaîner. Et bah, c'est bien. Alors, super. Clément, bien, ton moment. Anton, ta découverte. Non, moi, ma découverte. Que je la juge. C'est pas vraiment une découverte, c'est plus un moment que j'ai passé en 2019 qui était assez fou. Je suis allé au concert du groupe Ghost, qui est un de mes groupes préférés. Ouais. Et qui était. Enfin, c'était vraiment de mes meilleurs moments de l'année, je pense. C'était fou. Grosse mise en scène, Ghost. C'est très, c'est très scénique. La musique, j'adore. Enfin, faut aimer le rock, mais voilà. Je vous conseille pour ceux qui connaissent pas Ghost. Voilà. Très bien. Très bon groupe. Je suis allé le voir à l'Alton Garnier. C'était assez fou. Voilà. Messieurs, un moment de malaise cette année. Moi, j'en ai pas. Moi, souvenir. Alors, ce qui m'a vraiment amusé quand j'ai pensé au moment de malaise, c'est qu'en fait, je me suis tout de suite figuré un moment où je rentre dans le métro à Lyon. Et en fait, je me suis fait la réflexion que je ressens un malaise toutes les semaines en rentrant dans le métro à Lyon, soit parce que quelqu'un urine à l'entrée, soit parce que quelqu'un vomit à l'entrée, soit parce que quelqu'un fait quelque chose avec un orifice de son choix à l'entrée du métro. Bien joué. désolé. Je voulais changer un peu. C'est pas mal aussi. Donc pour moi, c'est ça le pire malaise du monde, c'est l'entrée du métro. Mais c'est tous les jours. C'est un peu une surprise tous les jours. Les jours, c'est nouveau. On sait pas quoi ça tend. C'est une surprise. Moi, mon moment de malaise, c'était une petite fête après Noël avec la famille de ma belle-mère. Et l'une des personnes, en gros, m'a demandé ce que je faisais. Donc, je lui ai expliqué. Bah, là, en fait, en ce moment, je vous explique à vous aussi. Je travaille dans une chambre froide, en job à côté, en temps partiel, dans une boîte qui distribue de la bouffe. Dont des oranges sanguines. Voilà, dont des oranges sanguines, des fruits et des légumes à des restos, étoilés ou non, d'ailleurs. Enfin, bref, je suis préparateur de commandes dans une chambre froide. Et donc, je le raconte au gars, machin. Et il me regarde, il est avec son verre de champagne, il me fait « Ah non mais en vrai, tu fais quoi ?» J'ai fait « Bah non, je fais vraiment ça » et puis et du coup il y a eu un gros silence et tout le monde a bu dans sa coupe. Moi en plus je deviens tout rouge hyper vite et c'était la gêne, vraiment, énorme gêne, ouais. Oh là là. Ouais. Bon, mais t'avais un malaise. Ouais, mais alors c'est pas un malaise qui m'arrivait spécialement à moi, je pense que c'est un malaise pour toute la France. En général. Et ce malaise de 2019 s'appelle Thibaut in Shape avec son clip parodique Pokémon. Ainsi que ses dédicaces qu'il fait payer. Ah ouais, alors 50 ça, 36 euros. Combien 36. Ce qui est largement assez cher déjà. TTC, mon gars, TTC. Là, t'as eu ça, putain, t'as eu le truc devant Auschwitz. Ouais. Ah non, mais Thibaut in Shape. Thibaut, si tu nous écoutes. Ouais, pas Thibaut Bertrand, qui était dans le dernier. C'est notre malaise international français. Bien d'accord. Bah, je te rejoins là-dessus, du coup, comme ça j'ai un moment de malaise aussi. Ça prouve vraiment que c'est vraiment que un business pour lui et c'est pas pour le plaisir, quoi. Après, moi je veux pas parler à sa place à dire que du coup ça prouve qu'il s'en fout, mais si, c'est vrai qu'en tout cas. En tout cas, il se démerde pas très bien, je trouve. Oui, il s'y prend très mal. Ouais, pas ouf. Et ça fait bim bam boum. Putain, j'allais dire, en plus très vite ça fait et c'est vraiment marqué en direct sur le chat. C'est fou. Best moment, worst moment. Oh, ils sont... On enchaîne assez vite. Tout simplement le. Bah, c'est un peu ce qu'on a déjà dit en fait. C'est le truc génial que t'as découvert. Est-ce que vous arrivez un truc trop cool cette année? C'est moi, un peu la même perso, chose. Perso, j'ai recommencé la batterie, j'ai acheté une batterie électrique. Non, moi, il y a le taf. Ah oui, bah toi, un peu. Kaamelott. Bah c'est ça, il y a... Ah, le nom a été nié. Non, mais il y a un an, en gros, quand je suis venu ici, je venais de passer des entretiens pour bosser sur le film Kaamelott. Je leur avais dit, c'est pas sûr, peut-être qu'on va m'appeler pendant l'émission et tout. Ils m'ont appelé deux semaines après, ces bâtards. mais en gros, oui, j'ai pu bosser en déco sur le film et c'était un peu le truc qui a un peu... Enfin, c'était trop bien, quoi. Non, ouais. Mais c'est juste, ça, c'était ça, trop ça, ça refait ton année, quoi. C'est juste bosser sur un truc comme ça. C'est... Un gros rêve et en vrai, je sais pas, que du trop cool. Et maintenant que le premier teaser est sorti, je peux quand même enfin réussir à parler de certains trucs. C'est parce énorme. Que bon, je veux pas jouer ma carrière en balançant ce que non, je dois pas. Voilà. Qu'est-ce que tu peux balancer? C'était un stage ou c'était. J'étais en stage. Pour que ma mère entende que. Voilà. Non, j'étais en stage sur le film. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sting qu'on a vu dans le teaser là. Tu l'as côtoyé. C'est dingue, tu dis, je l'ai vu pendant les 5 jours où il était là. C'est trop bien, quoi. Putain, génial. Très bien. D'autres trucs? Moi aussi, avant que vous coupiez la parole. Pardon, la batterie. Eh ben, le truc que j'ai découvert cette année, enfin, le truc qui est trop cool qui m'est arrivé cette année, c'est que j'ai recommencé la batterie, tout Kobe simplement. Bryant. J'ai pris une batterie électronique cette fois pour ne pas déranger mes voisins. Et j'ai entendu ce que t'as dit, Manu. T'as dit Kobe Bryant. Oh non, mais arrêtez. Non, mais vraiment, les gars. Danny Bryant. Non, les gars. Sérieusement, je m'en vais tout couper. Non, vas-y. Enchaîne. La batterie. Et ouais, en fait, immense plaisir. La batterie, c'est limite instinctif chez moi. Et même s'il faut que je reprenne beaucoup de niveaux, en fait, et ben, c'est un pur plaisir. Et ça faisait. J'ai eu vraiment des frissons en jouant, tellement c'est cool et tellement ça me correspond. Voilà. Je suis très content. C'est trop cool. Super. Où est-ce qu'on en est dans nos vies, messieurs? Ouais. Question ultra philosophique, j'ai pas su quoi répondre. Ouais, pour aller vite, moi je peux parler pour nous deux. Clément, on a le Powercast. Oui, toujours, voilà. Voilà, cette saison 2 qui va se poursuivre, où on espère pouvoir inviter des gens dont on admire le travail, en plus des potes, oui, quoi. Enfin, oui, je veux dire. Mais on admire déjà leur travail. À chaque oui, mais bien sûr, mais voilà. Mais c'est aussi des potes, et voilà. Ouais, voilà. Ouais, on aimerait bien, ouais. Moi, j'en suis aussi à ce que... Je sais à peu près ce que je veux faire de ma vie, tu vois, alors que c'était pas forcément le cas avant. C'est déjà pas... Tu vas être préparateur de commandes pour... Dans les... Ce n'est aucun de mes deux métiers actuels, c'est-à-dire ni ingé son, ni préparateur de commandes. C'est écrire, truc, ouais, etc., faire des sketchs et faire le Powercast. Pour l'instant, c'est ce qui me plaît, ce qui me motive. Mm-hmm. Et voilà, tout simplement, je sais qui à peu fait près... la life. Je sais où je veux aller, en tout cas. Très messieurs, bien. C'est super cool. Ben. Oh bah moi c'est le départ de Crème Fraîche qui repart une fois Dardard. Par an, une fois par an on essaye de s'y remettre et des fois on fait des trucs vraiment très cool, donc je pense que là on va faire un truc encore plus cool parce que on est motivé. Bah, je sais pas s'il y a un moment où vous voulez qu'on parle de ça. Non, mais ça peut être juste pour la situation en ce moment, ça fait du bien de se remettre à bosser sur des trucs, parce que Benji il a son taf, moi je cherche du taf, intermittent c'est toujours un peu chiant. Ça reste des projets à côté de ce qui techniquement te fait manger, donc c'est toujours compliqué de gérer le truc. Et puis on n'en est pas dans des niveaux de taf non plus où on peut créer à ce point des choses, et moi je sais que créer des trucs ça me fait trop plaisir, du coup se remettre à bosser sur des projets, même si c'est se prendre la tête beaucoup, ça reste un moteur à côté, parce que à chaque fois j'ai l'impression on s'améliore. Donc en fait ça donne toujours envie d'en refaire et de se dire que peut-être à un moment donné on va vraiment faire un truc, on va se dire la vache, ce qu'on a fait là, ça, c'est vraiment, on a abouti à un truc vraiment poussé, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment ce qui. C'est un truc par rapport à la chaîne, c'est que. Parle bien dans ton micro. Moi, qui ai des certains de nos vidéos que j'aime moins que d'autres, oui, mais au final sur toutes, j'ai une espèce de d'affection, nostalgie, de. Celle-là, elle est pas terrible, mais. On a commencé la vidéo, on savait pas faire, quoi. On a commencé comme ça, maintenant on en est là, tu dis, ah bah ok, c'est cool. Mais on en reparlera tout à l'heure, mais on vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne Crème Fraîche. Mais de toute façon, on en avait déjà parlé en plus dans le podcast. Oui, un petit peu déjà. Mais on reparlera un petit peu plus précisément du nouveau projet qui va arriver juste après. Moi, du coup, c'est un peu comme Jules, en fait, c'est le podcast. Non. Et c'est surtout que là, on commence à faire un peu des projets à côté avec Turbo Rire, en fait, et qui est notre chaîne YouTube. Turbo Rire 2000. Oui, et on essaye de faire des courts-métrages, on a écrit vraiment beaucoup ensemble. Moi, je suis trop refait d'écrire avec toi, Jules, je te le dis maintenant. Bon, un petit moment. Merci, vous aussi, ça me fait plaisir. Je suis assez fier de ce qu'on écrit en plus, surtout, on manque un peu de budget pour certains projets, mais c'est des projets qui donnent envie quand même de trouver du budget pour ça, et je pense qu'on va essayer de chercher du budget cette année là qui arrive, et de les tourner surtout, et voilà, et vous verrez la suite. De toute façon, vous serez au courant. Appel aux assos et aux boîtes de prod, voilà, si vous êtes chaud. On a c'est plein le moment de suivre leur Insta. On a des scénarios et on a confiance en ouais. nous. Et alors, question encore plus philosophique, de quoi voulez-vous que cette décennie soit faite? Mais bon, on a un peu répondu finalement. Bah, c'est un peu ça, c'est des projets de plus en plus gros et... Enfin, se faire plaisir aussi. Je pense que tous autour là, on aime l'audiovisuel pour raconter des histoires et raconter des histoires d'une belle manière avec des belles images, du beau son et tout ce qui va avec. Et du coup, bah, c'est l'idée, c'est, je pense, pour la décennie qui vient, c'est de faire ça de mieux en mieux, encore et encore et encore. Et puis, bah, je pense d'être bien professionnellement et personnellement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On en parle pas trop parce que c'est des choses perso aussi. Oui, mais voilà. Évidemment qu'on souhaite d'aller bien et de continuer évidemment. L'important c'est la santé. Non mais même tu sais les relations tout ça, je sais pas. Non mais oui, rester avec les potes et les amours, les copains, tout ça copines, voilà qui fait la life. Évidemment. Je le redis. Bien évidemment. Mais évidemment. Et surtout du pognon comme dit Gaga. Bon oui, carrément. On le met tout au-dessus du reste. Gaga, il est très fort. Il perd jamais le... On passe à la suite Jules et je crois que on clôture un petit peu le thème hein. On a fait un peu le tour 2019 et Jules, je crois que tu avais un premier jeu, moi j'en ai ensuite un deuxième. Oui, est-ce qu'on aura le temps? Oui, tant pis, l'émission durera plus longtemps, c'est pas grave, c'est un spécial, c'est un spécial 2019, on est heureux d'être avec. Très doucement. C'est pas duré très longtemps. T'as changé de titre ou pas, Jules? Parce que moi c'était. Vas-y, dis-moi. Moi c'était le jeu des avancées des êtres humains. C'est les avancées de l'être humain, ouais. C'est bon, juste mieux sur le titre. Très bien. Ah oui. C'est là, non? Mesdames et messieurs. Bonsoir. Messieurs et messieurs d'ailleurs. Je vais vous poser des questions, vous devrez découvrir laquelle est vraie. Vas-y. Quelle nouvelle espèce notre civilisation a-t-elle découverte? En 2019. Première réponse. Voilà, en 2019. Ah oui. Une fleur sans photosynthèse, la chauve-souris Yoda, la grenouille Pinocchio ou le poisson mangeur de testicules? Le poisson mangeur de couilles, ça me dit quelque chose, mais je pense pas. Je pense que non, mais je pense pareil, pas que ce soit 2019. Je pense que c'est la chauve-souris. Hein. C'est la fleur sans synthèse, je pense. Moi, j'aurais dit la chauve-souris. Ouais, fleur aussi. Mais toi, c'est parce que t'es bébé Yoda, toi, t'aimes bien, toi. Non, mais. J'ai pas vu Mandalorian. Ouais, j'aurais dit la fleur aussi. Ouais. T'aurais dit la fleur, une chauve-souris. C'est la fleur, la bonne réponse. Bravo, messieurs. Ça, c'est vraiment bizarre, pour coup. C'est une fleur découverte cette année qui ne se développe qu'en puisant ses nutriments de champignons. Et du soleil, et pas de. Voilà. Incroyable. On se développe directement dans le. C'est un champignon de jambore. Quelle nouvelle avancée dans le domaine biologique de notre civilisation s'est faite en 2019? Donc, même question, en gros, quelle avancée avons-nous fait dans la biologie? Le coronavirus, c'est pas une avancée. Non. Et c'est en 2020, donc ça compte pas. Ouais, voilà. Rien de... Il t'a bien mouché. Là. Alors là. Putain, mouché. Ça va réponse A. On a créé un cheval à 6 pattes. Donc, réponse pas une avancée, B. On a réussi à éliminer le virus du sida. Ah. Réponse C. On a cloné un être humain. Vous avez bien entendu. Réponse D. On a réussi à rendre les règles féminines jaunes. Putain. Alors en fait, je suis en train de réfléchir lequel serait vraiment une avancée. Cheval à six pattes, sida, cloné être humain, règles féminines. Le virus du sida. Soit sida, soit cloné pour moi. Moi, ça serait sida. Sida. Les règles, c'est non. Mais ouais. Je pense que c'est cloné. Et d'ailleurs, pour les règles, il y a un truc qui a été breveté aux États-Unis il n'y a pas longtemps, des tampons au cannabis. Bah. Pour avoir des règles moins douloureuses et beaucoup plus joyeuses. C'est vrai? Non, mais c'est vraiment, en plus, ça marche. Bah, je sais pas si ça marche, ça te drogue, quoi. Bah, en fait, ça apparemment diminue les douleurs qui peuvent être occasionnées et du coup, tu passes un bien meilleur moment. Est-ce que tu deviens accro après? Ça, je sais pas. Je suis pas du tout consommateur. Ah, t'as pas essayé? Rastafari Ganja. Moi, je suis consommateur de tampons. À part te droguer, je vois que ça change, mais c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. Tu te drogues et du coup, tu fais ah, j'ai mal, mais. Ça va, mec, ça va. Je plane. Je suis bien. Et la douleur, c'est quoi? Eh, mère nature, quoi. Le cannabis, mère nature, quoi. Allez. Quelle est la bonne réponse? Cheval à six pattes, sida, cloné être humain. Non, je dis le sida. Je dis sida aussi. Mais sida, c'est genre virus supprimé. Enfin, sur un. Mais c'est pas la fin du sida, pour moi. Voilà, c'est ça. Oui, bah, sûrement. On a réussi à éliminer le sida. Messieurs, la bonne réponse, c'est on a réussi à éliminer le virus du sida. Ça s'est passé sur une souris et effectivement, les scientifiques ont réussi à supprimer le virus. Ouais. Énorme. Est-ce que ça a vraiment fait ce bruit? Ça a fait. Et la souris a eu des règles jaunes. Quelle découverte historique les scientifiques ont-ils fait? Cette fois, c'est donc historique. Réponse A, on a reconstitué le visage d'une femme à partir d'un chewing-gum vieux de 5000 ans. Réponse B, on a retrouvé ce qui semblerait être les ovaires momifiés de Cléopâtre. C, on a développé des cellules de dinosaures en modifiant l'ADN d'un paon. Léon! Voilà, j'aurais fait le bruit d'un paon. Un paon cheval, on cite l'épisode 5 de la saison. Ah, 6. Pardon. Parce que le 5, c'est herbier de merde. Excusez-moi. Réponse D, on a déduit que Napoléon était monoboule à partir de son carnet de santé. Retrouvé. Napoléon, c'est possible. Mais c'était Hitler qui était monoboule. Oui, mais Napoléon aussi, je crois. Oh là là. Donc, on apprend des choses tous les jours. Tout la main dans le. Non, non c'est parce qu'il avait une douleur, je crois, là. Genre au pancréas ou à la vessie, je sais pas où. Mais. Ouais, avancée historique, le monoboule, on nous dit. Ah, découverte historique, quoi. Non, j'ai dit découverte historique. J'hésite entre ça. Il y a quoi d'autre? C'est marqué découverte sur mon. Le pan, moi, ça me ferait bien. Non, ouais. C'est pas le pan. Le pan cheval. C'est celui d'avant les dinosaures, c'est quoi? Alors, c'est. Avant, c'est les ovaires momifiés de Cléopâtre. Réponse A, c'est le chewing-gum de la femme. C'est le pan. Je vous le dis, c'est la monocouille de Napoléon. Bah écoute, je te suis là-dessus. Franchement, je te fais confiance. Moi, je dis le pan. Tu penses le pan? Le pan rétrogradé, je sais pas quoi. Messieurs, la bonne réponse, c'était le visage d'une femme reconstituée à partir d'un chewing-gum vieux de 5000 ans. Un chewing-gum vieux de 5000 ans? En effet. Tout comme il y a eu du maquillage il y a très longtemps. Mais quoi? Mais attendez. Comment c'est possible? Alors, bah, sûrement pas le même chewing-gum que nous, je viens de me croiser le doigt dans la bière. Non, vous voyez pas. Oh non. Non, j'ai saturé, je crois. Je vais l'enlever avant. Arrête de jouer avec ça. Fait l'hiver pendant un podcast, il se coince le doigt dans le cul. Je l'aurais cassé, je pense. Alors, c'est très peu visuel, mais franchement, je le laisserai, ça va. Je te dis quoi, ça va. Oh non. Non, mais c'est pour le podcast. Donc, messieurs, il doit y avoir un équivalent du chewing-gum. Ça devait pas être un chewing-gum à la barre comme nous, c'est pas chimique comme nous, pas avec du goût machin. Il doit y avoir un équivalent, c'est pas comme le maquillage au charbon. Ouais, c'est mâcher des feuilles quoi. Donc, ils ont pu reconstituer son. À partir de l'ADN. Exactement, prélevé sur un chewing-gum datant du néolithique, donc quelque chose d'équivalent, on a déterminé son sexe, la couleur de ses cheveux et de ses yeux. Mais du coup, ils ont fait un portrait robot, quoi. Ouais, exactement. Okay. Ils ont pas reconstitué un visage. Une, ouais, la peau mate. Et ils avaient dessiné la meuf. Oui, j'ai compris ça. J'ai pas compris. Ils sont fait. Ah mais d'accord. Oui, comment ils partir de l'ADN d'un chewing-gum. Ah. C'est Jurassic Park, mais en moins bien. Regarde ce que j'ai fait. Oh non, les chewing-gum de 5000 ans. C'est dégueulasse. Non mais j'avais commencé à chercher à me dire, elle a mâchouillé le truc comme ça, donc ils ont refait la mâchoire. J'aurais peut-être dû développer. Mais ils ont su du coup la couleur de ses cheveux, de ses yeux, son sexe, sa peau. Tout déduire. Ils ont même su ce qu'elle avait mangé. Enfin, son régime alimentaire, quoi. Voilà. Et il y avait des noix de cajou, Clément. Très bien. Oh ah, Attends. Elle était verte. Dernière question, messieurs. Probablement. De quelle avancée technologique avons-nous profité en 2019? Première réponse, un hélicoptère éolienne. Merde. Deuxième réponse, un sous-marin équipé de bras métalliques pour nager. Troisième réponse, une voiture avec des pieds articulés. Et quatrième réponse, un pantalon motorisé. Je suis assez fier de celui-là parce que je trouve que les quatre sont assez équivalents. Je pense que c'est le pantalon. Ouais, le pantalon, je sens bien le pantalon. Pantalon motorisé. Pour les gens qui ont. Ouais, les espèces de. C'est quoi le premier? Les exosquelettes un peu. Le premier, ouais, c'est un hélicoptère éolienne. Non, c'est un peu con. C'est trop con. Hélicoptère éolienne, sous-marin avec bras métalliques pour nager, voiture avec pieds articulés. Le sous-marin, avec des bras, c'est possible, mais pas pour nager. Oui, ce que qu'ils aient besoin de rajouter des bras. Qu'est-ce que tu fais dans un sous-marin si tu nages pas avec un sous-marin? Mais si, justement, tu sais, ça pourrait être. Fais des tractions. Non, mais ça peut être justement dans les profondeurs pour dégager des rochers, des choses comme ça. J'avoue. Mais pour nager. Mais ça existe déjà. Dans Titanic, il a des bras articulés, le truc. Ouais, voilà. Il a déjà des bras. Non, le pantalon en mode exosquelette, moi j'imagine bien un truc comme ça. Ouais, pantalon. Ouais, je dis aussi pantalon. La bonne réponse. Vous êtes tous en pantalon. Une voiture avec des pieds articulés. Figurez-vous que Hyundai a présenté au CES 2020, je crois. Hyundai a présenté cette année un concept de voiture équipée de jambes articulées destinée à déplacer la voiture et ses passagers en cas de catastrophe naturelle type inondation et tremblement de terre. C'est-à-dire qu'il y a des petits pieds qui se mettent à la place des roues qui font. Pour les dégager d'une voie encombrée et les mettre un peu en sécurité. D'accord. Tout simplement. Bravo. Comme dans Les Fous du Volant. Voilà. Belle référence. Avec les mafieux. T'as fini ton jeu, Jules ? J'ai fini mon jeu, Clément. Et on nous demande 5 secondes de Laurent Mariotte, s'il te plaît. Un plat estival, le pamplemousse revient à la mode. Ah, mais c'est lui, Laurent Mariotte ! Voilà. Oui ! Ah, bah ça fait plaisir, parce que je me dis, j'ai assez bien fait pour que tu le reconnaisses. Ouais, il l'a bien fait. Voilà, salut Lolo, on t'embrasse. Il est vraiment très fort. Hein. Jules, il s'est tout imité en fait. Merci. Merci pour ton jeu, Jules. On passe à un jeu suivant, qui est le dernier de l'émission d'ailleurs. Tu zappes ou tu mates? C'est exactement ça. Non, c'est les sondages de 2019. Alors j'ai sélectionné en gros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, le titre est pas très vendeur, hein, on va le dire. Hein. Les sondages de 2019. Ça fait un peu débile. En gros, j'ai chopé des sondages, vous allez voir. L'IFOP, selon l'IFOP. IFAP. Skippy l'IFOP. Skippy l'IFOP. Oh, vas-y. Il y a eu des votes en fait. Le premier sondage, c'est les événements marquants de l'année 2019. Donc il y a des gens qui ont voté pour ça. Mm-hmm. Et alors ils ont fait un top, je sais plus, top 20 je crois. Mais on va faire le top 5. Donc pour vous, quel est le top 5 des événements marquants de l'année 2019? Alors, il faut que vous trouviez les 5. Après, très simplement Notre-Dame. Ah ouais. Alors, Notre-Dame est pas en cinquième position. Vous non, mais est-ce qu'elle est dans le top 5? Oui, elle est dans le top 5. Ah, d'accord. Très bien. Elle est en deuxième position. Après, on va les remettre dans l'ordre. Ouais, on va faire ça. Elle est en deuxième position. Je vous le dis à quelle position elle est. L'acte 43 des Gilets jaunes. Putain, oui. Et c'est vrai la première position. C'est vrai. Les Gilets jaunes. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Non, oui, je croyais que c'était l'acte 43. Je me disais. Ouais, mais en même temps, oui, les Gilets jaunes. Je suis mentaliste. Je suis bien au Licard. Non, c'est le premier, c'est les Gilets jaunes. Ensuite. L'Amazonie. Non, c'est en France ou c'est. Bah, l'Australie. L'Australie. Non, il s'est même pas dans le top 5. D'accord. Ah, parce que c'est 2020, non? 2020, l'Australie, l'Amazonie, c'est 2019. Ouais. Mais non, l'Australie, pas... c'est international ou c'est français? C'est comme les morts célèbres. C'est français ou c'est international? Non, c'est international là. Johnny. Enfin, c'est un sondage. Excusez-moi, c'est un sondage français, mais ça parle un peu de tout ce qui est les Amazones. Johnny, c'est 2018. Johnny, c'est 2018. Putain, ça passe tellement vite. C'est carrément 2018. Ça passe vraiment. Ouais. C'est un sondage français, comme oui. Comme des petites camionnettes avec des roues qui passent par exemple. Balkany vole des sous. Alors, il y a eu un mort célèbre qui est dedans. Un mort célèbre. Est-ce que vous en rappelez? Ouais, ça a marqué quand même pas mal. Charles Aznavour. Et c'est un français ou pas? C'est un français, ouais. C'est pas le Charles Aznavour. Ah bah non, Jacques Chirac. Voilà. Il est en top 5. Putain, je pensais à Bit Rivière, moi. En fait, c'est. Il est mort, Dick Rivers? Ouais, bah, l'an dernier. Oui, ensuite, il vous en reste deux à trouver. Là, c'était le top 5. Alors là, c'est un peu plus pointu. Je sais pas si vous trouvez. Ah. Bon, alors, est-ce qu'il y en a un politique? C'est pas très drôle. Non, il y a un politique, mais alors je vous dis le troisième. Il y a un truc genre le terrorisme ou quelque chose? En fait, c'est la mort des 13 soldats français survenus lors d'une opération nocturne en Mali. C'est pour ça que je dis international. C'est international parce que ça s'est passé hors de la France, mais ça reste français quand même. Et le quatrième qui est un peu plus politique, est-ce que vous le trouveriez? Politique? Attends, il a dû se passer. Ah bah oui, j'ai pensé à Balkany. C'est pas Balkany. Alors Balkany, attends, est-ce qu'il est dedans? Je l'ai pas dans le top. C'est quand même bien le truc que les. Mais je crois qu'il était dans le top. Moi j'ai que le top 8 qui est affiché. Ah, okay. Donc, okay. Il est sûrement dans le top. Je pense que ça a marqué un peu les gens quand même. Alors pour vous dire le reste un peu du top que j'ai, il y avait l'incendie de l'usine Lubrizol par exemple. Si vous... Il a fait quoi Sarko? Bah il s'est pas en fait. Bah il est tout petit. Mais ça date. Est-ce que c'est en rapport avec Macron? C'est Macron tout à fait. Non, c'est pas juste Macron, mais c'est en rapport avec Macron. Tout à fait. Ah bah la réforme. C'est une réforme, oui. La réforme des retraites, tout simplement. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Oui, ça les a marqués. Encore une. Voilà. Mais le top 1 reste quand même le mouvement des Gilets jaunes. Juste ça. Gilets jaunes ont fait top 1. Ça a marqué quand même. Ils ont fait un top 1. Ils ont fait un top 1. Donc ça, c'était un peu les sondages des adultes qui ont voté pour l'IFOP. Mais j'ai chopé des petits sondages qui ont été réalisés par. Alors le premier, c'est Okapi, le magazine, qui a réalisé un sondage pour les 11-14 ans. Donc c'est les 11-14 ans qu'on votait, mixte, donc c'est garçons et filles, et non-binaires, parce qu'on a le droit. Et les animaux, c'est ce que tu veux. Tout le monde a voté. Et c'est le palmarès des 10 femmes de l'année 2019. Alors pour vous... C'est les jeunes qui ont voté? Ouais. C'est des 11-14 ans qui ont voté. Bah, parce qu'il y a du jeune du coup. Qui placeriez? Alors je vous dis, en fait ils disent 10, dis-moi mais c'est un top 8 et il y a deux ex-aequo à chaque fois. International? C'est international. Il y a du Angèle. Il y a Juju Fitcats. Alors, Angèle est en troisième position. Ouais, bah sûr. Est-ce que quelqu'un dans le top fait. Et du coup, une Billie Eilish? On nous a dit. On a dit Billie Eilish. Non, Billie Eilish est pas dans le top. Ok, c'est ouais, 11, bah, Angèle, ans, forcément. Je suis top 1. Angèle, on m'a dit. Angèle Phoenix. Ah bah oui. Angèle y est? Ouais, Angèle est en top 3. Clara Luciani? Non, elle est pas dans le top 8. Pomme? Non plus. Ah, ça aurait pu. C'est international. Brigitte Macron. Alors, attendez. Ouais, 11-14 ans. C'est. International, mais le sondage est réalisé par Okapi, qui est un magazine français. Donc, je veux dire c'est que les jeunes aiment quand même les artistes internationaux. C'est, on nous dit, seul de Bim Bam Boom là. Il y a Natou. Quoi? Il y a Natou. Il n'y a pas Natou, non. Non, non. Ouais, étonnant. C'est, ouais. C'est vraiment la femme de 2019. Bah, Juju Fit Cat, là, il n'y est pas non plus. Alors, y a, bizarrement, il y a une jeune femme qui a vraiment marqué l'année 2019 qui est dans le top. Ah, mais la... Greta Thunberg. Ouais, c'est ça, Greta Thunberg est en deuxième position. Évidemment, bah oui. Au-dessus d'Angèle, évidemment. Alors, top 4, celle qui est en quatrième position, c'est assez étonnant. C'est vraiment pas la personnalité préférée des gens. Mais c'est bizarrement pour les 11-14 ans, c'est marrant. Non, est-ce c'est que c'est une célébrité genre télé-réalité? Non, non, c'est plus politique, on va dire. C'est. Comment bah, Michelle Obama ou. Non, française. Merde. Mais t'es pas loin en disant ça. Mais c'est Brigitte Macron. Hein. Christiane Taubira. Non. Une femme bah, de. Ah, c'est Balkany, la femme de Balkany. Ça aurait été vraiment étonnant. Comment elle s'appelle, Madame Chirac ou je sais pas. Non, pas Madame Chirac. Ou la meuf, là, tu sais, qui était le. C'était le. Elle est pas dans la politique, le Quido. La Quido. Non, mais clairement, c'est. Pensez à Macron. Brigitte Macron. Brigitte je l'ai Macron. Dit, je l'ai dit, moi. Pardon aussi. Bah, oui, mais tu l'as dit avant pour l'autre. Non, mais je l'ai dit un instant là, moi. Attends, Clément cool. Je suis en mode sans dormir. Ouvre là, un peu tes écoutilles. Tu m'ouvres ses esgourdes et tu nous écoutes. Brigitte Macron est en quatrième position. C'est dingue. Putain, j'ai 11-14 ans. Et en même temps, elle a. Trop ouais, mais ça veut dire qu'elle a quand même. C'est-à-dire que son plan de com, il marche vraiment bien. Oui, excusez-moi, vous l'avez dit deux fois, je dors. Ou que la vie des 11-14 ans est nulle à chier. Bon, en cinquième position, il y a Lady Gaga. Ah, Lady Gaga. Bah, avec le film. Ah, Star Is Born. Star Is Born. Ah, oui, normal. C'est 2019 ça. Non, c'est. Oui. Fin oui, 2018, je crois. Non, ça se peut, ça se peut. Mais oui, il a bien fait parler. Ensuite, il n'y pas... a pas de youtubeur, hein, je vous le tiens à vous le dire. Il y a zéro youtubeur. Ok. Ah, ouais. Ah, donc il y a pas. Là, on a les 4-5 premiers. Là, là on a les. On a 2, 3, 4, 5. Alors, le 1, putain. Alors, le 1 va vous étonner. Alors, est-ce que dans ce. Tu peux nous écrire un petit peu. Est-ce que dans le reste de Stop, il y a des, alors, plutôt le des 6, chanteuses il y, a, ou des... il y a deux chanteuses en égalité. Miley Cyrus. Dans le 6. Non, c'est deux chanteuses françaises, très connues. Alors, on vous le dit, encore une fois. Chanteuse. C'est Céline Dion, on n'y est pas, du coup. Non, Céline Dion, on n'y est pas. C'est une chanteuse jeune, comme, qui parle plus pour les enfants, on va dire. Bah, la meuf qui a fait Bim Bam Boum, c'est quoi son vrai nom? Juju Fit Cat. Non, ça c'est la parole. La vraie s'appelle. Ah oui, je sais plus son nom. C'est un prénom, je la sais. La reine. Non, mais elle n'y est pas. Elle y est pas. Vous connaissez forcément. On connaît. Ouais. Là, j'ai l'impression que je suis totalement largué. Attends, elle est connue. Allez. C'est Jennifer. Oui. C'est vrai? Sérieux? En 6ème position, il y a Jennifer. Ouais, alors, ça ou Priscilla? Avec The Voice Kid et tout, voilà. À mon avis, elle a bien marché. C'est Ilona Mitressé. Et elle est ex aequo avec une autre chanteuse. Noël Leroy, du coup, registre, deux, hein. Aussi connue, on va dire. Française aussi. Oui, française, oui. Dans le même registre. Pas Ilona Mitressé. Vita. Non, pas Vita. Ilona Mitressé. J'ai dit pas dans le même registre. Pas vraiment dans le même registre. Plus ah, rap, pas dans le plus même rap registre. On va dire. James. Kenny Arcana. Quoi? Kenny Arcana, c'est une rappeuse? Je sais pas qui c'est. Aya Nakamura. Oui. Oh non. Ah, bien vu. Aya Nakamura en 6ème. Bah allez, 11-14 ans. Forcément. Oui, touché. Moi, après, j'ai c'est. Ça m'a fait un flash, tu m'as dit plus rap, j'ai fait. C'est ça, forcément. Alors, en 6ème position, il y avait. Alors, étonnamment, il y a Eugénie Le Sommaire, qui est une footballeuse. Ok. Donc, je connais pas. Alors, je me demande si les 11-14 ans n'ont pas répondu en présence de leurs parents qui ont fait. Ouais, mais une petite footballeuse. Je me demande si le sondage n'a pas été plutôt. Tu sais, une liste à classer plutôt que. Peut-être. Ouais, il y a moyen. Et donc Eugénie Le Sommaire qui est en ex-aequo avec Louane. Voilà. D'accord, je sais pas. Et Bébé Yoda. Mais c'est qui le numéro 1 alors? Est-ce que c'est une actrice? Attendez, juste la 8ème, c'est Emma Watson. Ah bah. Mais quand même, qui touche les 11-14 ans. Normal. Et alors la première, c'est assez étonnant. Et c'est mignon à la fois. Est-ce que c'est une actrice? C'est pas une actrice. C'est une célébrité. Non. C'est un animal? Non. C'est un animal? Est-ce que les humains sont des animaux? Un peu. Je vous le dis parce que vous ne trouverez jamais. C'est maman. Bon. C'est juste maman. Bah, c'est de la triche. Ils ont mis maman en top 1. C'est de la triche. Bah, c'est Jésus alors en top 1 aussi. Ah, ok. Non, mais c'est de la triche. Voilà. Mais non, mais le top 1, c'est ans, maman. Ouais. C'est la maman de chacun. Voilà, vous mais c'est mignon. Mais c'est mignon. Le père Noël. C'est vraiment des débiles. Jules, il est outré. C'est vraiment des débiles. Top. Ça m'étonne pas qu'elles écoutent Aya Nakamura. Sainte Marie, notre mère à tous. Alors, je valide. Pour les c'est qui votre femme préférée? Notre-Dame de Paris. C'est vrai que l'incendie de Notre-Dame. Chapeau, Notre-Dame, chapeau. Et même pas dans le top 8. Ah si, pardon, si, c'était top 2. Pardon, oui, si, oui, j'ai oui, peur. Non, parce que Notre-Dame, quand même, le truc, c'était marquant. Voilà pour les sondages. En parlant de sondages, et plutôt de statistiques. On a regardé vite Combien de personnes ici ont des verrues plantaires? On a regardé vite fait avec Jules les stats du PowerCast. Enfin, j'ai regardé tout seul, je dis qu'on a regardé. On a parlé de le faire, Clément a regardé. Voilà. C'était juste pour déjà vous remercier pour l'année 2019, pour tous les viewers qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. Merci beaucoup. On a eu pas mal de vues. Alors, c'est juste pour citer quelques chiffres. Notre épisode qui a fait le plus de vues, c'est l'épisode 1. Donc tu peux être fier Manu avec Arthur. Ensuite on a l'épisode des frères aussi qui a fait pas mal de vues. Alors après en fait c'est très très dur de regrouper les vues et les ouais. écoutes en fait, parce que comme on a un podcast et voilà. Mais c'est aux alentours de 500 écoutes à peu près par chaque épisode. On a un peu une légère baisse pour la deuxième saison, mais c'est normal. On a 500 écoutes au total pour chaque épisode à peu près. Sachant si que on compte tout, c'est super en fait. Moi, je suis content. Non, mais je crois qu'on en avait genre 100 sur YouTube et un peu moins le reste. Tu vois, bah, non, le reste, par exemple, le premier épisode a fait 350 écoutes. C'est où qui marche le mieux les épisodes? Alors, on sait pas trop. Spotify en fait donne le plus de stats. Okay. Et après, pour le reste, c'est plus galère à trouver les stats. Et souvent, les sites les cachent en fait. Il faut payer pour les trouver. Ouais. Donc, YouTube, Spotify le mieux forcément. Mais après, entre sachant les deux, que cet épisode-là, quand il sortira, je pense que nous on le partagera ouais, après, sur notre chaîne aussi. Le YouTube marche. Nous, on aime bien partager le YouTube parce qu'on a l'image. Mais après. Ma maman écoutera. Pour ceux qui écoutent le. Je chante la chanson de Squeezie. Et alors, pour, influenceur. Pour la petite bravo. Anecdote, on a 5 pays qui nous écoutent. En pas, en fait, principalement 5 pays. Du francophone. Est-ce que ça correspond aux 5 vues qu'on a? Alors, il y a 2 pays que je peux justifier. Voilà, en 5ème position, on a l'Italie. Ouais, ma sœur. Sa sœur. Ma grande sœur. Marlène. Voilà, on l'embrasse. Non, en 4ème position, on a l'Angleterre. On a une personne qui nous écoute en Angleterre. On l'embrasse. C'est vrai, si j'ai des cousines anglaises. Non mais, mec, attends, non, mais je pense qu'elles écoutent pas. Arrête de tout casser. On a en troisième position quelqu'un en Suisse qui nous a écouté. Ouais. Qui nous écoute Thomas assez régulièrement, je crois. Mais mec, arrête, tu connais tout le monde. Et quelqu'un en Japon qui nous a écouté, mais on embrasse Gaspard, je pense que c'était lui. Non, c'est le réalisateur de Parasite, je pense. Bon Joon-ho. Il voilà. était au taquet. Qu'est-ce qu'il foutait au Japon? Oui, j'avoue, il est coréen. Ah merde, je pensais qu'il était japonais. Bah, on remercie Chang de Tintin d'avoir écouté notre podcast. Oh merde. Et pour un peu des stats, on a principalement des 23-27 ans qui nous écoutent. Ça, c'est Spotify qui nous donne ces stats. C'est notre tranche d'âge à nous, quoi. Ben ouais, moi je viens juste d'avoir 23 ans. Donc, bon. Mais juste en dessous, voilà, c'est les 18-22 ans. Et on a un peu de 28-34 ans. On a 11% quand même qui nous écoutent. Et même après 34 ans, on a 2% d'écoute dessus. Et pas moins de 30 plaintes déposées à la gendarmerie pour toutes les obscénités qu'on a dit sur Spotify. Sur Spotify, on a une majorité d'hommes qui nous écoutent. 60% quand même d'hommes. Ah oui, quand même. Des bonhommes. 20% de non spécifiés. Et, non, des animaux. Et 20% de femmes. Influenceurs. Voilà. Mais c'est tout ça pour nous dire en fait que voilà, on est super content avec Jules du début du PowerCast parce qu'il a même pas encore un an. Et on est tout trop content. En fait, ça nous fait plaisir de le faire et ça plaît à des gens et c'est cool. Ouais. Voilà. Après, on n'aspire pas à faire un truc super célèbre, mais là, faire un truc qui nous correspond voilà, et un truc bien fait. Plaît, et je trouve que d'ailleurs cette saison 2 est constante, je trouve, à peu près dans la qualité, tu vois. Bah, en fait, on a mis un peu longtemps à. Il y a des invités qui sont mieux que d'autres, quoi. Ouais, on a mis le paquet sur les invités aussi. Non, mais en fait, on a mis un peu de temps, en fait, à trouver une sorte de formule. Un peu au début, c'était. Si on écoute les premiers épisodes, en fait, c'était un peu bancal parce qu'on ne savait pas trop comment les écrire, etc. Et maintenant, on commence à avoir une certaine logique d'écriture, en fait. Maintenant que vous avez commencé à tout pomper partout. Voilà, voilà. C'est beaucoup plus facile quand on fait comme. Les jeux, les thèmes, les blagues, les références. Voilà, merci podcast. Voilà, on est allez regarder un bon moment de Ken Kojandi. Mais une copie de ouf. Ouais, recommandation chaîne YouTube. Ouais, c'est eux qui l'ont fait. Voilà, donc remerciements à tous les viewers qui nous écoutent, qui nous suivent. Merci et ceux qui nous écoutent aussi en podcast. Voilà. Alors, on va parler maintenant de votre actu, les gars. On va essayer de faire ça assez rapidement, mais. Excusez-moi, je vais les abaisser à chaque fois. Messieurs Crème Fraîche, alors, j'y vais 5 secondes. C'est vous, Crème Fraîche. J'y vais. Ouais, vas-y. Alors en gros, Crème Fraîche, bah, c'était, enfin ceux qui connaissent l'ont sûrement vu, c'était un peu en pause depuis un an et demi, depuis l'été, pas l'été dernier, mais celui d'avant. En gros, j'ai eu un. Donc en gros, on a avec le boulot tout ça, on n'a plus eu trop le temps. Les dernières choses qu'on avait fait n'avaient pas hyper marché non plus. Je pense qu'il y avait une petite une petite baisse de morale aussi à ce moment-là pour ça. On a essayé de faire des choses l'été, ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Et puis, on avait essayé avec cette saison 2 de faire du contenu, beaucoup pour dire faire du contenu aussi. Et je pense qu'on s'est un peu, perdu dans tout ça. Sans vouloir que ça marche, on avait quand même envie de pas faire tout ça pour rien. Mmh. Et puis, on a toujours des idées qui viennent par-ci par-là. De ce qu'on a envie de faire depuis longtemps, c'est un plus gros projet en fait. C'est de se donner les moyens de faire vraiment, de mettre à contribution les compétences qu'on a prises en bossant et puis avec nos études et tout ça depuis qu'on fait. Maintenant, ça fait 5 ans, tu vois, qu'on a commencé à faire de la vidéo. Et du coup, ça nous trottait un peu dans la tête. Et puis, on avait essayé d'écrire déjà un gros projet l'an dernier. Et puis finalement, bah, après, moi, j'étais parti au boulot. Notre pote Émeric, qui bosse toujours avec nous. On le salue, il est à Paris. Il bosse. Il est monteur dans plusieurs boîtes, enfin, il est intermittent. Donc forcément, salut Émeric. En gros, c'est un peu, c'était pas forcément facile pour écrire et surtout pour tourner des choses qui nous plaisent. On en a marre de faire des choses comme on le faisait au début, donc d'écrire un petit scénar, de le tourner en 2 jours et puis après de faire au mieux pour le montage. À chaque fois, on donne le maximum pour que ça soit le mieux fait possible, mais on a envie de plus en fait. On a envie que ça soit mieux fait. Et c'est ce qu'on s'est dit pour... c'est pas vraiment une saison 3 de Crème Fraîche qui revient, c'est plus une envie subite sur le moment. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'on bosse sur un scénario d'un court-métrage, un gros court-métrage. Un moyen-métrage plutôt. Ouais, ça va faire 25 minutes environ, d'accord, je pense. Ah oui, en tout cas, voilà. Une demi-heure, je pense. C'est vraiment... L'idée, c'est de pas se restreindre, en fait, à un format qui... Enfin, quelque chose qui serait formaté pour YouTube, d'accord, ou qui serait destiné à marcher, on s'en fout, en fait. Nous, notre but, c'est de faire quelque chose le mieux possible, par rapport à notre envie, qui nous ressemble, et en même temps, qui montre aussi ce qu'on sait faire. On aime bien se mettre des challenges, faire des choses vraiment un peu impressionnantes et tout ça, quitte à enfin pouvoir être fier de présenter quelque chose à un festival de court-métrage ou des choses comme ça. Et donc c'est ce qu'on s'est dit, qu'on allait revenir sur ça. Ça fait un mois et demi qu'on bosse dessus, ce gros court-métrage. On va pas trop vous dire ce que c'est maintenant. Ce qu'on peut vous dire, c'est que on va bientôt mettre des choses sur la page Facebook. On va avoir besoin de coups de main pour financer ce projet, okay, et on va lancer un crowdfunding en fait. Donc il n'est pas tourné. Il n'est pas encore tourné. Voilà, ça va se faire. Les auditeurs. On va lancer le crowdfunding début mars. Donc on vous invite, à ceux qui écoutent le replay, tout ça. Du coup, alors les réseaux. À nous suivre sur Facebook, Facebook, la chaîne Crème Fraîche, sur YouTube Crème Fraîche, Twitter, Instagram. Alors bien référencé. Ouais, si on tape Crème Fraîche, ça marche. Si on tape Crème Fraîche, on trouve. Oui, c'est le logo en forme de tache Crème Fraîche. Bah, comme tu l'as là. Tu l'as là, le logo. Ah, le logo. Il est là, le placement de produit. Placement de produit. Il va y avoir du nouveau sur la chaîne, plein de choses. Ça va passer par la refonte un peu graphique de notre chaîne, toujours des petits trucs histoire de se sortir des méandres d'internet. Et puis ce crowdfunding, on va pas demander énormément d'argent non plus, mais on va avoir besoin d'un peu de gens. Et puis on a envie vraiment de pouvoir se faire plaisir, et quoi qu'il se passe, on le fera. Mais plus on a de moyens, mieux ce sera pour nous en fait. Et, ouais, voilà. Et le tournage passe dans de bonnes conditions. Et voilà, on n'en dit pas trop sur l'histoire, mais c'est... Moi j'aime bien appeler ça, c'est une, on va dire, une comédie française, mais sous forme de film d'action à l'américaine. Et c'est pour ça justement qu'on n'a pas les moyens de film américain, ça nous a jamais fait peur aussi. Pense que ça sera intéressant pour vous, et si ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas à nous soutenir, tout ça. Ça va bientôt se lancer, début mars. N'hésitez pas à soutenir Crème Fraîche, allez voir leurs autres vidéos aussi, ça peut vous donner envie. Ça soutient déjà en plus. Et d'ailleurs, j'en profite à dire que avec les petits contacts qu'on a par-ci par-là, ce crowdfunding, pour ceux que ça intéresse, pourra permettre à certains d'avoir des super t-shirts qui ressembleront pas forcément à celui-ci. Peut-être qu'il y aura des nouveautés pour des t-shirts, des choses comme ça, plein de produits dérivés, des petits trucs un peu marrants. Ça nous fait kiffer en fait, on veut faire vraiment un truc de qualité, donc n'hésitez pas en tout cas. Et on nous demande si c'est bien le biopic sur Laurent Voulzy, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Ah, mais faut pas dire, parlera, vous avez, ça, vous avez pas dit aussi que pour sa rencontre avec Aznavour, vous vendez des dédicaces de vous. Je crois que c'est Ben, Manu et Sting qui font des dédicaces vidéo. Exactement. C'est ça, il y a un petit morceau de guitare, ton nom, et puis après, c'est, voilà, c'est pas ça. Écris ton nom comme Roxane. Voilà, c'est fini. Woulzy. Ok, bah franchement, trop bien. Et voilà, mais. Bouba Free. Bouba Free, excuse-moi. bah, on suivra alors votre retour en mars, du coup. Avec super. Intérêt. Ouais, c'est clair. Ouais. Suivez-les, du coup, sur Facebook. Et en attendant, on va vous mettre plein de trucs qu'on a... Enfin, plein de trucs, des trucs qu'on a de côté, des making-of, des machins. Enfin, on a toujours un petit peu de contenu à mettre. Ça va, des fois, ça sera... Des jamais sortis, qui étaient un peu restés de côté. Ça sera peut-être des petites bêtises, des petits trucs, mais... Bon, c'est on va histoire bien de relancer la chaîne. C'est surtout pour relancer la chaîne, histoire d'avoir une bonne visibilité aussi. Ouais, écoute, pour, trop cool. De toute façon, vous aurez les liens dans la description pour ceux qui veulent sur YouTube. Sur Spotify, on peut mettre des liens aussi, donc on mettra tous les liens possibles. Voilà. Bah, en tout cas, on termine là-dessus, je pense. Merci les gars d'être venus. Et merci en tout cas, merci à vous, messieurs. Ouais, merci d'avoir joué le jeu. Bah oui. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés et qui nous ont suivis en live. Merci à ceux qui écoutent le replay comme d'habitude sur Spotify, sur Apple Podcast, qui regardent le replay sur YouTube et sur plein de trucs de podcast. En fait, à chaque fois, on trouve qu'on est sur d'autres trucs de podcast qu'on n'a pas fait. Donc le flux RSS fonctionne c'est bien. C'est toi qui faisais du bruit avec tes narines, non tu... Ah non, pas du tout. C'est peut-être moi qui respire aussi en même temps. Ah, c'est toi. Je sais pas. C'est un peu de moi, je crois. Ok, bon, chacun a donné un petit peu de son nez. Bruit des narines. Voilà, on se quitte là-dessus. En tout cas, bah, merci encore les gars. Merci Jules. Hein, bon, comme merci d'hab, Clément hein, pour nous accueillir. Merci c'est moi. Cool. Le jeu était super cool et puis il y avait des bières. Bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci pour les oranges sanguines. Ça, c'est à Clément. Par contre, il est un peu tatillon là-dessus. Je vous ferai croquer. Je fais croquer tout le monde. En attendant, nous, on se retrouve le mois prochain. Probablement le mois prochain. Voilà pour un nouvel épisode de PowerCast. Yeah. Bonne soirée ou bonne journée à tous et à très bientôt pour le podcast. Salut. Salut l'artiste.